Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Hello! Hello! Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 41 du Bras de Fer des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, l'éternel, l'infatigable, le toujours aussi passionné Steven de François. Salut, merci. Salut, JF. Faut tout le temps tu trouves un paquet de mots pour mettre les clés. Je ne prépare jamais d'avance, puis j'hésite tout le temps. Finalement, ça me vient à la dernière seconde, puis. En forme? Oui, oui. Puis toi? Oui, super. Il faut, parce que là, on va s'amuser puis parler de toutes sortes de trucs qu'on a vus. J'ai mes petites graines de tournesol. Un vrai Mulder. C'est vrai, tu commences à planter des crayons au plafond aussi également? Pas encore. Tu devrais te pratiquer. Hey, je ne parlerai pas de mon obsession pour la porn. Elvis, là, y a-t-il décédé chez vous? Ah, je te le dis pas. Hey, t'étais supposé continuer. Je pensais que t'aurais tout de suite catché, toi qui es un grand fan. Non, j'ai pas. T'as pas catché? Non. Ouais, Elvis, es-tu décédé chez vous? Non, il est décédé à Memphis, monsieur. Ah, as-tu des cassettes d'abord? Ah, j'aime beaucoup les sacs cassettes. François Pérus, non? Ouais, mais non, j'ai pas. Ok. J'ai pas catché. Ça a planté, fail, total. Moi, je me disais, ça va être cool, Jeff va tout de suite poursuivre, puis on va avoir une belle chimie, puis pas en tout. Pas en tout. La faute à ma tête. T'as un petit peu tard pour mettre ça, mais on va mettre pareil. C'est... Ah, je sais pas. Jamais trop tard, c'est encore d'actualité. Quoi de neuf par chez vous, JF? Quoi de neuf? Pas grand-chose, c'est tranquille. L'été achève, puis il reste encore un gros mois d'été, mais en théorie, tu sais, ça achève. Puis ce que je voulais dire, c'est que non, nos activités d'été sont pas mal. Tu sais, on a reçu beaucoup de visites. J'ai pas eu l'occasion de voir autant de films que toi, mettons, mais j'en ai vu quand même pas mal. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est en site depuis une couple de semaines, c'est relax. Puis, c'est ça. Ouh. Ton bord. Rien. Rien. Là, de même, c'est travail, regarder des trucs et jouer à des jeux. C'est pas mal tout. Hey, pour le fun, pour débuter, t'avais-tu vu le commentaire que Quentin Tarantino avait écrit par rapport à It Follows? Oui. Ouais. T'avais-tu vu aussi la réponse de l'avocat? Oui, je l'ai vu un matin, oui. J'ai trouvé ça cool. Je pensais au départ que ça allait être une réponse un peu facile et haineuse ou à répliquer, mais non, le gars, il est vraiment cool. Puis, c'est comme, gars, viens prendre une bière avec moi et on va en discuter de tes notes. Il dit, moi aussi, j'en ai pour toi. Ben, tu sais... T'sais, je respecte Quentin Tarantino, puis j'adore son cinéma, puis je sais qu'il y a eu une grosse importance, puis c'est pas n'importe qui, mais je trouve pareil, des fois, il y a la grosse tête, puis c'est quand même assez arrogant la manière qu'il peut dire des choses, t'sais, que lui, il aurait fait mieux, s'il aurait fait ça, si, ça. Puis il y a Marc-Antoine Labrouté qui m'avait dit qu'il avait fait la même chose pour Scream de Wes Craven. Il avait dit « J'aurais pu faire un meilleur film que Wes Craven si c'est moi qui l'aurais réalisé. » Ça sonne un peu arrogant. T'sais, oui, tu as du talent, mais ça te permet pas forcément de dire que tu ferais mieux que d'autres. Là. Je trouve ça un petit peu plate comme genre de commentaire. Tu as le droit à ta critique et de t'exprimer, mais je pense que c'est des fois dans la manière de dire les choses, puis encore moins de dire que toi, tu aurais fait ci et ça aurait été mieux que qu'est-ce que le gars il a fait. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis un gros fan de Tarantino, puis je suis tout le temps prêt à le défendre, mais dans ce genre de commentaire-là, je suis pas sûr. Là, je suis pas un gros fan de It Follows, je l'ai déjà dit, puis j'en reviendrai pas là-dessus, mais, mais c'est ça, je trouve pas l'intérêt de commencer à... Mais en même temps, ces commentaires font du... C'est correct, il a le droit de dire ce qu'il pense, il a le droit de dire que la mythologie de It Follows fonctionne pas, selon lui, puis je suis pas tout à fait en désaccord avec ce qu'il dit. Là. C'est sûr que son commentaire sur Scream est plus, comme tu dis, c'est peut-être plus déplacé, parce que c'est comme... prouve-le que tu es capable de faire un film comme ça, avant de chialer. Tu n'as pas fait de film d'horreur. Dead Proof, c'est pas un film d'horreur. Fait que tu n'as pas fait de film d'horreur encore. T'sais. Non, c'est ça. Puis je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il ferait comme film d'horreur. Mais c'est ça. À la base, Tarantino, c'est un gros cinéphile. Fait que, puis il est très critique aussi. Fait que c'est sûr qu'il va. Il est tout le temps poussé à dire ce qu'il pense. Là, fait que. Je sais pas. C'est... Mais je peux pas vraiment le défendre là-dessus non plus. Là, même si je ne trippe pas sur It Follows. Non, c'était juste pour dire ça comme ça, parce que je trouvais ça... c'était comme le petit événement fun de la semaine, si on veut. Puis Turbo Kid, troisième semaine au Québec. Ils vont embarquer pour une troisième semaine, je pense, en salle. Ah, pour vrai? Cool. Je pense que oui. Je ne savais pas. Mm-hmm. Autrement dit, le film fonctionne bien au Québec. Les fans ont tenu, je pense que oui. Leur bout. Puis demain, le 28, ils vont être au cinéma un peu partout, dans les grandes villes du Canada. Là. J'ai vu qu'il y avait quelques marchés, comme Toronto, Vancouver, tout ça. Mm-hmm. Ah, j'ai bien du monde que je suivais sur Instagram, qui me suit aussi, qui sont un peu partout à travers le Canada, puis ils sont pas mal tout excités d'aller voir Turbo Kid. Tout le monde n'arrête pas de mettre des photos que le film sort vendredi. Fait que c'est vraiment cool. Puis, lequel que tu as partagé ce matin? Ouais, j'étais vraiment content de voir ça sur le Twitter de Garrett Evans, le réalisateur de The Raid 1 et 2, qui a précommandé sur iTunes de Turbo Kid, puis qui a vraiment hâte de le voir. Fait. Ça lui fait de la pub. Une vraiment belle pub. C'est ça fait de la pub pour la game. Puis en même temps, moi, je trouve ça le fun puis flatteur, tu sais, que des réalisateurs comme ça soient autant intéressés à leur film. Il y a comme 93% sur Rotten Tomatoes, puis tu sais, le film marche au bout, puis il est super bien reçu. Fait que... c'est pleinement mérité, puis je suis bien content que ça marche pour eux. Puis j'ai très hâte que tu voyes le film pour que tu en parles aussi. À partir de demain, il va être sur iTunes, fait qu'on verra. Moi, j'attends surtout la location, parce que j'aime pas acheter un film sur iTunes, parce que, tu sais, au même prix, tu peux avoir, ou un petit peu plus cher, mais éventuellement, tu peux avoir le Blu-ray, puis sur le Blu-ray, il va avoir plus de... Surtout que sur le Blu-ray, tu sais, je me dis, s'il sort, mettons, dans 3, 4, 5, 6 mois, peu importe, il va peut-être avoir des bonus par rapport à leur passage à Fantasia, ou toute la montée de la popularité de ça, tu sais, le genre de bonus que tu trouveras pas demain sur iTunes, tu sais. Parce mais il n'y a pas de bonus pantoute, je crois. Hein, oui, il va en avoir. J'ai checké sur iTunes. Il y a, si je suis maintenant sur la page, tu as des extras, oui. Tu as un package d'extras avec t'as l'original, le court-métrage original, T is for Turbo. Tu as une featurette, le making of de Turbo, des trucs comme ça. Tu as des teasers. Puis, Je pensais que tu as acheté un film sur iTunes ou sur digital que tu n'avais pas les bonus que tu as sur les DVD ou les Blu-ray. Mais c'est ça, t'sais, vu que le Blu-ray va être fait dans 5-6 mois, ils ont le temps d'en rajouter, c'est ça que je dis. Ouais. Si on filmait des trucs, mettons, durant leur présentation en Fantasia, on va peut-être voir des images de ça, on va peut-être voir des images des reportages qu'il y a eu, peut-être qu'ils vont tout faire un. Ils pourraient faire un genre de petite featurette où ce qui marque l'évolution du. Ce qui montre toute l'évolution de la popularité du film, tu sais. Puis comme on dit en ronde, je trouve ça dommage que les films sortent d'avance sur digital. C'est souvent un peu la grosse mode. À ce moment-là, le film va sortir 2, 3, 4 semaines avant la sortie DVD Blu-ray pour que le monde puisse voir d'avance, comme Mad Max qui est disponible depuis 2 semaines. Puis c'est comme, j'ai pas envie de l'acheter parce que je veux avoir ma copie en boîtier, je veux le mettre dans ma bibliothèque, je veux mon Blu-ray que je peux amener n'importe où, puis qu'en plus, tu as le digital qui vient avec. Fait que moi, ça m'écœure quand tu vas juste acheter le digital, puis que finalement, tu es pogné juste avec ça, tandis que avec le Blu-ray, il vient avec. Mais comme je disais, par contre, il y a Best Buy que tu peux précommander les DVD, les Blu-ray, puis ils vont te donner le code digital. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne tactique pour motiver le monde premièrement, acheter chez eux, mais pour utiliser peut-être un peu plus le digital, là, parce que ça devient de plus en plus populaire. Maintenant, dans HMV, tu as même une petite section que tu peux acheter une carte prépayée du film en digital. Okay. Mais encore là, je suis comme, pourquoi? Dans 2 semaines, le film sort en Blu-ray, je vais l'acheter en Blu-ray à la place. Puis, ben, tout ce phénomène-là, tout le truc de mettre les films en digital aussi... Tu sais, je veux dire, c'est une vieille histoire, je n'embarquerai pas dans le gros sujet, mais ça fait en sorte que le film, comme dans le cas de Mad Max, il est disponible sur les sites de Torrent depuis un bout, là, depuis quelques semaines. T'sais, en même temps, mais ça facilite encore plus le piratage parce que tu as encore plus de chances d'avoir le film dans les bonnes conditions d'avance là, à cause de ça. C'est pas la protection d'iTunes qui va empêcher quelqu'un de le mettre. Parce qu'ils ont tout le temps des protections. Là, je sais que sur les films d'iTunes, le DRM. Ouais, ça change rien. Parce que je me rappelle quand ils avaient mis VHS 2, il y avait une sortie de la balle sur VOD sur iTunes. Puis même pas 24 heures après, on pouvait déjà télécharger dans la même qualité. Là. Fait que, je pense pas que leur protection soit si bonne que ça. Là. Puis TurboKit, j'aurais peut-être. En même temps, je comprends qu'ils veulent rendre ça disponible au plus grand nombre possible, puis ça ne sera pas dans toutes les salles, mais en même temps, j'attendrai un peu. Parce que même moi, dans mon cas, Toronto, c'est à 2h17 de chez nous, mais le fait qu'il va être disponible demain sur iTunes, ça m'encourage moins à me déplacer puis à aller le voir. Si ça me tenterait, je pourrais l'acheter demain. Là, puis ça serait mais je pense que c'est pour ça qu'ils avaient dit qu'ils voulaient attendre avant que ça soit disponible sur iTunes, parce qu'ils voulaient qu'au Québec, le monde aille le plus possible le voir au cinéma. T'sais, si ça aurait été sur iTunes, la plupart du monde comme toi n'aurait pas fait une demi-heure, une heure de route pour aller voir le film. Mais en même temps, moi, je préfère toujours voir un film dans une salle de cinéma. C'est de meilleure qualité, puis pour l'expérience, c'est meilleur. Mais je peux comprendre que ça ne tente pas à tout le monde de faire un voyage d'une heure pour aller voir un film. C'est comme Sébastien Bouchard, lui, il était bloqué où ce qu'il était. Je pense que il fallait qu'il fasse une route comme de 2 heures pour pouvoir le voir. Saguenay puis Québec, c'est 2 heures. Là. Ça, là. Ça, c'est plate pour ces gens-là. Mais en même temps, il va sortir sur iTunes. Fait que ça va faire pareil des profits au film. Ben, c'est ça. Non, c'est ça. En espérant que les gens la jettent ou le louent ou peu importe. Non. Mais pas le downloader illégalement. Non, c'est ça. Sinon, moi, c'est tout. J'avais pas d'autres nouvelles, je pense. Non, j'ai pas d'autres spotins. C'est pas mal. À part que je trouve... en même temps, c'est-tu la bonne place pour embarquer là-dessus? Mais je trouve ça terrible ce qui est arrivé hier aux deux journalistes. Là, de... Oui, j'ai vu ça. Ça m'a foutu ce matin. C'est... Moi, j'ai vu ça hier matin. Pas longtemps que ça soit arrivé. Puis je te jure, j'avais des frissons. J'ai regardé la première vidéo, qui a été filmée, tu sais, le fameux reportage que les autres faisaient. Où on voit la caméra tomber, tout ça, la caméra du caméraman. Puis plus tard, j'ai vu un des deux vidéos du tireur. Son premier vidéo, ce qui fait juste s'approcher. Puis je ne savais pas, tu sais, à quel moment ça allait couper le vidéo. Je ne savais pas s'il allait tirer. Mais je te jure, j'ai rarement été nerveux en regardant une vidéo comme ça sur Internet. Là, j'étais sur mon téléphone, je regardais, puis... J'en shakais quasiment, là, de peur que d'entendre un coup de feu. Que j'étais vraiment nerveux, je savais que ça s'en venait. Là, pis j'ai jamais vu ça d'un vrai point de vue de tueur. Pis c'était... Ben, surtout que c'est vrai, c'est pas un film. Là, alors que tu regardes ça, tu pourrais dire que c'est un fan footage filmé. Mais pis j'ai trouvé ça vraiment désastreux par moment, les réponses. Parce que moi, j'ai seulement vu la vidéo du point de vue des journalistes qui se faisaient filmer, la caméra tombait. Puis je voyais des commentaires, il y en a qui étaient comme... Ouais, mais ces poches, là, on ne voit rien. On les voit même pas se faire tirer. Puis je suis comme, OK, tu te rends-tu compte que c'est pas un film, c'est pas une scène ou que c'est hors champ, puis tu fais comme, ah, c'est dommage qu'on ne voit pas. On parle d'un événement dégueulasse, c'est terrible qui vient d'arriver pour vrai. Tu veux vraiment voir la personne se faire tirer dessus pour de vrai. Puis moi, je ne savais même pas au départ que les personnes étaient mortes. Je me disais, oh, peut-être qu'ils ont réussi à se sauver puis à s'en sortir. Mais après, j'ai vu que finalement, ils sont décédés. Puis c'est affreux, là. Sérieusement. Là. Non, j'y ai pensé toute la journée hier. Ça m'a vraiment touché au bout. Là. J'étais jeune en plus, 24 puis 27 ans. Puis... Mm-hmm. Non, c'est terrible. Puis toute l'histoire du contrôle des guns. Puis, moi, je pense qu'ils vont jamais comprendre ou changer ça par rapport à ça. Puis même le gros documentaire qu'il y avait eu de Michael Moore, Voting for God and Behind, qui faisait une grosse critique par rapport à ça. Puis Ça n'a pas rien changé depuis. Non, mais c'est trop compliqué. Il y a tellement de défenseurs de la possession des armes que c'est trop compliqué. Il y aurait quasiment des émeutes là, si tu fais que tu t'empêches les gens d'avoir les armes. Là, il y aurait des émeutes dans la rue, je suis sûr. Là. Non, mais quand on regarde le nombre d'événements qui arrivent, regarde juste le nombre de tueries qu'il y a eu dans les salles de cinéma. Puis... Ah oui. Je suis pas d'accord avec ça. J'en veux pas d'armes, mais c'est ça. T'sais. Moi, j'y bannirais toutes, mais ça serait trop compliqué à faire. Je peux comprendre les gens au pouvoir, au Congrès ou peu importe, américains qui ont peur de faire des lois pour ça parce que c'est trop compliqué. Il y aurait des manifestations à mort. Là, ah, ça aurait des grosses répercussions, c'est sûr et certain. Parce que les gens qui veulent absolument, qui tiennent absolument à avoir des guns, sont très tenaces puis très Non, non, ils vont chialer, là, si on ne le laisse pas le joujou. C'est parce que dans leur mentalité, c'est déjà ancré que c'est un mode de vie normal. T'sais, logiquement, tout le monde devrait avoir un revolver, puis c'est fait de même. Là. C'est pour défendre sa famille, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a cette fameuse mentalité que j'ai un revolver pour défendre ma famille ou pour essayer d'avoir un semblant de sécurité de plus parce que t'as un gun dans la maison. Moi, je pense pas que ça change. Un bon vieux bat de baseball. Regarde, au Canada, on a tout ça, nous autres. Un bat de baseball, un couteau de cuisine, peu importe. C'est un bat de baseball. C'est un bat de baseball, tu pètes les genoux, là, tu sais, c'est correct. T'sais. De toute façon, t'es pas obligé de le tuer, le gars. Là. Tu prends justement un bat de baseball, un coup dans la tête ou de quoi, là, puis tu l'assommes, là. Non, nous, ici, au bras de fer, on préconise le bras de fer. Tu t'assieds avec le gars, tu dis, tiens, on réexamine. Ben ouais, t'sais, OK, tu viens me voler. Bon, un petit match de bras de fer, si tu réussis à me battre, je te laisse partir avec ce que tu veux, sinon tu décrisses. Sinon, à part ça, on est là pour parler de films, fait que... Ouais, on va laisser les événements tragiques de côté. Et, ouais. Ben, je te laisse briser la glace. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine ou la semaine dernière ou peu importe? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un time out. Là. On a fait deux épisodes d'affilée. Ben, j'ai vu Backcountry, un film qui vient de sortir, je pense, en Blu-ray. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais vu. Mais en tout cas, il y a une critique sur le site d'Horreur Web faite par Pat Liret, tout ce qui parle du film, puis il le compare à Open Water. Comme j'ai pas vu Open Water, je peux pas faire cette comparaison-là. Mais Backcountry, bon, c'est un film qui est tourné au Canada, qui est réalisé par un gars qui s'appelle Adam McDonald, qui l'a aussi écrit. C'est l'histoire d'un couple. Le gars, il a convaincu sa blonde d'aller dans le bois, puis d'aller faire du camping à une place que lui, il trouvait bien cute quand il était jeune, puis tout, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé. Puis il dit, tu vois, c'est vraiment le fun. Il a vraiment réussi à la convaincre. Elle, c'est une fille de la ville, elle ne veut rien savoir de la forêt, mais en tout cas, elle s'est laissée convaincre. Fait qu'ils partent tous les deux, ils vont en camping, puis on se rend vite compte que le gars, finalement, il ne se rappelle plus où se rendre, à l'endroit cute qu'il parlait, puis il se perd. Puis... dans le bois, ils vont rencontrer un gars un peu bizarre aussi, Mané, qui est joué par Eric Balfour, qui a joué dans la série 24. D'ailleurs, le petit couple, j'ai pas nommé le petit couple, le gars, je m'en fous un peu, lui, il s'appelle Jeff Roop, l'acteur, je connais pas. Et la fille, c'est Missy Peregrim, elle joue dans la série Reaper, elle a joué un petit peu dans Heroes, puis elle joue aussi depuis 6 ans dans la série Rookie Blue, c'est une très très bonne actrice. Donc c'est ça, fait que le couple se perd. Il rencontre un moment donné ce gars-là bizarre qui, finalement, le gars, il se passe il y a des petites discussions un peu étranges avec lui. Finalement, il disparaît. Puis là, ben c'est ça, on reste tout le temps focusé sur le couple qui sont perdus en forêt. Puis, à un moment donné, la tension monte parce qu'il y a des chicanes puis tout, parce que la fille, ça la fait chier qu'elle soit perdue. Puis, on comprend assez vite qu'il y a la menace d'un ours aussi, pas loin, un gros ours. Puis, ça devient super tendu. Puis, c'est ça, à un moment donné, il va avoir une attaque d'ours sans que je révèle trop d'affaires, mais c'est une scène extrêmement poignante, là, extrêmement dure, puis je suis resté sur le bout de mon siège tout au long de la scène, c'était très bien fait, je trouvais. Puis, mais c'est ça, je révélerai rien d'autre sur ce qui se passe après, mais j'ai trouvé ça super intéressant comme film, vraiment le fun, c'est un petit film court, là, tu sais, une heure et vingt, une heure et demie, je ne sais pas trop. Puis c'est super simple. Il n'y a pas tant de choses que ça qui se passent. C'est juste ça. C'est un couple qui se perd. Il y a un ours, puis il faut qu'il s'en sorte. Puis c'est un survival. Oui, c'est un survival, mais c'est très... Tu sais, moi, je dirais que c'est réaliste. Puis j'ai trouvé ça très le fun. Puis moi, je le recommanderais. Puis c'est ça. J'ai vu dans la critique de Pat Liret puis dans d'autres commentaires qu'il y avait une scène qui était copiée à celle de Willow Creek. Oui et non, là, j'ai vu Willow Creek, puis pour moi, c'est deux films différents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est quand même deux films différents. Puis non, je pense qu'on peut les voir séparément. Là, c'est pas, peu importe ce qu'on pense de Willow Creek, Backcountry, c'est d'autres choses, puis je trouve ça très le fun. C'est ça, c'est beaucoup plus réaliste. Puis moi, je pense que je le recommande. Je trouvais ça le fun. Puis Missy. T'avais-tu vu l'autre film? C'est souvent un film qui a été oublié. J'en garde pas un grand souvenir. Je me rappelle plus si c'était vraiment bon, mais c'était avec Alec Baldwin puis Anthony Hopkins. Puis ils faisaient un voyage en avion, puis ils s'écrasaient, puis ils essayaient de survivre à un grizzly. Non, je sais de quoi tu parles, mais je l'ai pas vu. Puis c'est ça, ben, Missy Peregrine, je trouve que c'est une très, très bonne actrice. Moi, je la suis dans Rookie Blue, puis je l'ai suivie dans ça, dans toutes les séries que j'ai nommées tantôt. Puis c'est une fille que je trouve super, très bonne actrice. Puis juste pour elle, c'est pour elle que j'étais intéressé de voir le film, puis j'ai pas été déçu. Cool. Ben, il m'intéressait déjà à la base, fait que tu me donnes encore plus envie de le voir. Cool. Moi, je suis allé voir The Gift au cinéma. Mm-hmm. Petite anecdote avant de parler du film. Je rentre au cinéma, j'y vais jeudi dans l'après-midi à peu près. J'aime ça y aller à ce temps-là parce qu'il n'y a pas trop de monde. Puis j'aime ça avoir une petite séance un peu plus privée dans ma salle de cinéma. Et quand je rentre dans la salle de cinéma, je vois plein de parents avec des enfants. Et quand je dis des enfants, c'est 8 ans, 9 ans à peu près. Puis il y en avait plusieurs. Je me suis dit, trompé de salle? Je recule, je vérifie. Non, c'est l'affiche de GIF, la salle numéro 9. Fait que je dis, OK, je m'assis, le film commence. Après 20 minutes, il commence à se passer des trucs louches que normalement, moi, j'aurais pas amené forcément des enfants à voir ça. Puis je commence à entendre les parents en arrière commencer à parler et à dire « Écoute donc, c'est pas un film si familial que ça. Je pensais qu'avec un titre comme Le Cadeau, ça serait plus familial. » Là, je suis comme « Vraiment? Sérieux? » Ils ont pris en fonction le titre pour aller voir ce film-là. Ils n'ont pas regardé premièrement que c'était 13 ans et plus. Ils se sont pas renseignés sur l'histoire. Ils sont juste allés voir le film parce que ça s'appelait Le Cadeau. Là, je revenais pas, puis là, ils sont tous partis de la salle avec leurs enfants. Fait que là, je me suis quasiment retrouvé tout seul. Là. C'est pas un problème, mais c'est con, ça. Ça me renverse les parents qui amènent leurs enfants sans se renseigner sur qu'est-ce qu'ils vont voir. Puis ça m'avait fait ça avec Watchmen. J'avais été voir Watchmen, puis je voyais plein de parents rentrer avec leurs enfants. Là, je suis comme, OK, non, vous savez que c'est pas Spider-Man ou Marvel, là, vous venez voir. Puis là... Les parents écoutaient le film, puis jusque rendu à la scène où la fille est sur le bord de se faire violer sur la table de poule, là, les parents ont commencé à quitter la salle encore une fois avec leurs enfants. Puis comme, renseignez-vous, si les films sont cotés, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il y a un gars qui ressemble à Batman que ça va être un film de super-héros pour les enfants. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça ridicule. Là, à quoi bon donner des ratings aux films quand le monde ne fait même pas attention? Moi, sinon, The Gift. Moi, au départ, c'est un film qui ne m'intéressait pas. J'avais vu le trailer et j'étais comme « Oh boy, un maudit film encore pour ados dans le style de The Boys Next Door. » Puis film cliché avec un gars creepy qui va harceler un couple. Puis ça me tentait pas. Mais le film a super, super eu des bonnes reviews sur Rotten Tomatoes. Il est comme 93%. Puis je lisais vraiment des bonnes choses. Puis après, je me suis rendu compte que le film était réalisé, écrit et joué par Joel Edgerton. Joel Edgerton qui joue le frère de Tom Hardy dans le film Warrior, que j'avais beaucoup adoré. Puis c'est aussi, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un de ses premiers gros rôles, c'est l'oncle Owen dans les prequels de Star Wars. Oui, mon Dieu, oui, t'as raison. Puis là, je me suis dit, OK, non, ça change la donne. Je trouve que c'est un gars talentueux. Puis le fait qu'il soit au scénario puis derrière la caméra, c'est sa première réalisation. Je me dis, il va sûrement nous offrir quelque chose de mieux. Et effectivement, The Gift, c'est un excellent trailer et je crois même que c'est le meilleur trailer qu'on va avoir eu cette année. Le marketing du film est désastreux. Fiez-vous pas au trailer. Je ne sais pas qui c'est qui était derrière la production qui ont essayé de vendre ça comme un film typique pour ados. C'est vraiment pas ça. C'est pas avec Jason Bateman aussi? Oui, c'est avec Jason Bateman. Puis ça, il est en couple là-dedans avec Rebecca Hall. C'est une actrice que j'aime beaucoup, mais qu'on n'a pas. Que le monde ne semble pas connaître plus qu'il faut. Puis dans le fond, ils jouent un couple qui déménage en Californie pour la nouvelle job de Jason Bateman. Et il achète une nouvelle belle maison qui est pratiquement entourée que de vitres. Puis vraiment une belle place. Puis lorsqu'ils vont magasiner des objets pour décorer la maison, le personnage de Jason Bateman va tomber sur un gars qui va venir le voir et va dire « Hey, tu te rappelles pas de moi? » Là, il est comme « Non. » Puis c'est un ancien camarade de classe de l'école primaire ou secondaire. Je suis plus trop certain. Je pense que c'est secondaire. Puis sur le coup, même Jason Bateman n'a pas l'air de le reconnaître. Mais en fait, quand il dit son nom, il s'appelle Gordo. Puis là, il commence à le replacer un peu. Puis il est un peu déstabilisé parce qu'il a l'air de se dire « On n'était pas si amis que ça pourtant au secondaire. Ça m'étonne que tu viennes me voir comme en étant full amical. Puis comme on va se rappeler des bons souvenirs. » Mais peu importe, ça reste jusque-là, puis ils vont commencer à se faire des petites soirées de rassemblement, souper, passer de se parler du passé, mais Gordo va commencer à être de plus en plus impliqué, à vouloir venir à chaque jour, à offrir des petits cadeaux. À chaque jour, il va laisser un petit cadeau différent devant la porte, puis là, le couple va trouver ça un petit peu creepy, puis déplacé, mais en même temps, la blonde de Jason Bateman, elle trouve ça gentil de sa part, puis il est peut-être juste C'est pas de sa faute, il essaie d'être gentil, mais il a de la misère un peu à exprimer ces choses-là. Puis on va se rendre compte que finalement, il y a quelque chose qui est en lien au passé, un événement qui est arrivé, qui semble avoir resté sur le cœur de Gordo, qui va essayer de faire revenir les événements du passé dans le présent. Et en fait, le film, ça va vraiment traiter de ça, parce que ce qui est cool, c'est pas un film où on va juste voir le couple se faire harceler par un gars creepy pendant 1h30. Le film traite vraiment du passé, notre passé, des trucs, mettons, désastreux ou malheureux qui nous sont arrivés, qui peuvent faire surface. Des fois, on a tous des petits secrets un peu honteux qu'on essaie de garder, puis que parfois, notre conjointe ou notre famille, même que personne n'est au courant, puis des fois, on croit connaître quelqu'un, mais c'est pas vraiment le cas. Puis le film va vraiment jouer là-dessus sur le passé du personnage de Jason Bateman. C'est vraiment intriguant, puis on va beaucoup suivre la relation entre la femme de Jason Bateman puis lui. C'est vraiment un drame sur le coup qui va bien exploiter ça. Puis Gordo va juste venir... le personnage est juste là pour venir mettre un peu de l'essence ou du feu sur l'huile, puis créer des tensions entre le couple. Puis la femme de Jason Bateman va se rendre compte que finalement, elle ne connaît pas si bien que ça, puis elle essaie de fouiller puis de savoir un peu plus sur toute cette histoire-là. Je ne veux pas plus en mentionner, mais j'ai oublié son nom. Joel Edgerton joue le rôle de Gordo, de Creepy, puis il est vraiment bon dans ce rôle-là, mais en tant que scénariste puis réalisation, il m'a vraiment surpris. Le gars est vraiment capable de construire des bonnes scènes de tension. Une réalisation très lente. Souvent, c'est comme des plans larges d'un couloir de la maison. Puis la caméra fait juste avancer lentement. Puis il n'essaie pas de se la jouer avec des jumpscares ou des trucs faciles. Il y en a peut-être 2-3 dans tout le film, des jumpscares, mais sont efficaces. Puis tu sais, ils fonctionnent. Mais en tant que tel, il mise sur un bon suspense puis une bonne manière d'utiliser sa caméra puis d'arriver à créer une ambiance puis une tension. Puis ça fonctionne, puis son scénario laisse place à des imprévus, c'est pas forcément cliché. Il y a vraiment un fond derrière ça très intéressant qui m'a beaucoup touché, puis je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Puis Jason Bateman, j'ai tout le temps vu ce gars-là comme un comédien qui faisait des comédies un peu boboches, faciles pour le public, puis je me suis jamais dit que c'était un acteur qui avait forcément des skills. Là-dedans, il m'a vraiment impressionné. C'est facilement le meilleur rôle que je l'ai vu jouer. Il est vraiment bon, puis il y a vraiment d'excellentes scènes dramatiques avec lui. Puis la finale, moi, est vraiment venue... La finale, je pense, c'est la cerise sur le gâteau qui va venir décrocher un peu dans la mâchoire du monde, puis te faire rappeler du film après le générique. Il y a des films, des fois, tu vas sortir de la salle, t'es comme, ouais, c'était bon, puis 2-3 heures après, tu l'oublies, mais je trouve que The Gift possède facilement une finale coup de poing pour que tu t'en rappelles pendant un bon moment après le visionnement, puis j'ai vraiment aimé ça. Sérieusement, je le recommande fortement pour les amateurs de thrillers qui vont pas dans la facilité puis qui ont un scénario un peu plus complexe que qu'est-ce qu'on voit d'habitude avec ce genre de sujet-là. Puis c'est un film plus mature aussi. C'est vraiment pas fait pour les ados, puis c'est vendu comme ça, puis je trouve ça dommage. Mais globalement, je pense que la plupart de la réception ont vu que c'était pas ça, puis le film est bien reçu, puis a beaucoup de succès. Fait que tant mieux. Amateur de thriller, je pense que c'est le meilleur que vous allez avoir cette année. Je le recommande fortement. C'est vraiment une belle surprise. Puis, c'est ça vient de sortir au cinéma, fait que ça, c'est tout encore là. Oui, c'est encore là. Ça fait peut-être 3-4 semaines. Puis, il est encore, moi, dans mon coin, dans ma salle de cinéma. Fait que ça vaut la peine. Oh, intéressant. Moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelle That Sugar Film. C'est sur iTunes. Il va sûrement être disponible sur Netflix éventuellement. Puis je pense qu'il est dans certaines salles, mais c'est pas très répandu en tout cas. Sur iTunes, il est trouvable. C'est un gars qui s'appelle, un Australien qui s'appelle Damon Gamow. C'est un animateur et acteur australien qui fait un documentaire très divertissant, mais en même temps très instructif sur les effets du sucre sur un corps en santé. Lui, ce gars-là, il est de taille bien ordinaire, bien moyenne, mais il est en santé, puis tout, il fait de l'exercice régulièrement, puis tout. Puis il a décidé de se soumettre pendant 60 jours à une diète avec beaucoup, beaucoup de sucre, c'est-à-dire qu'il va prendre 40 cuillères à thé ou à café de sucre à chaque jour, pendant 60 jours. Donc, 40 cuillères à thé, mettons. Puis c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, il va prendre du sucre qui est pas genre dans du dans des gâteaux, des trucs comme ça, mais du sucre qui est ajouté dans des produits qui sont qualifiés comme santé à l'épicerie, là, tu sais, des n'importe quoi qu'il peut acheter, là, qui a du sucre ajouté, puis que c'est supposé être santé. Puis il va se rendre compte que c'est facile d'atteindre les 40 cuillères, là, tu sais, en une journée. Des fois, il va en prendre 20 cuillères juste dans le déjeuner, là, tu sais, juste l'équivalent de 20 cuillères juste dans son déjeuner. Puis c'est ça, ben, pendant 60 jours, on va suivre... Damon qui va se soumettre à cette diète-là, puis en continuant de faire l'exercice, puis en continuant de son train de vie normal, puis il va vite se rendre compte que son corps a beaucoup, beaucoup de changements. Il va prendre du poids rapidement, il va même créer des dommages assez graves, assez sérieux à son foie, puis tout ça. Puis c'est ça, il y a plein de choses qui vont se passer en un mois, puis je ne veux pas rien révéler. Là, mais, c'est-tu le gars qui a fait le documentaire de McDonald's, puis qui avait mangé du McDonald's pendant un mois? Non, ça ressemble un peu à même, okay. Un peu le même principe, mais c'est pas le même gars. OK. C'est ça. Il a invité aussi une couple de personnes, parce que c'est un gars en Australie qui est connu. Il a invité du monde qu'il connaît, donc Hugh Jackman, puis Stephen Fry, qui viennent faire des petits segments, qui viennent expliquer des trucs sur le fonctionnement du sucre, comment ça impacte notre corps, puis tout ça. Puis lui aussi, le réalisateur, il va se promener d'une place à l'autre. Il va dans le désert en Australie, il y a une tribu qui où ce qu'il y a, pendant longtemps, il n'y avait pas de sucre, pas en tout dans leur diète ou presque pas. Puis depuis les années 80, il y en a, puis ils ont eu plein de dommages, plein de problèmes d'obésité, puis ci, puis ça. Puis il va aussi aux États-Unis, dans des milieux pauvres, où ce que le sucre est très présent, surtout dans les boissons gazeuses, tout ça. Puis on voit l'effet sur la dentition, entre autres, d'un jeune homme de 17 ans. Là. Puis c'est, cette scène-là, là, avec ce flow-là, ça me foutu la chienne comme peu de scènes, même dans des pires films d'horreur, m'ont foutu la chienne. C'est comme... Ouf, si vous voulez un bon incitatif pour arrêter de prendre du sucre là, en trop grande quantité, là, regardez juste cette scène-là, là, ça fout la trouille, je vous jure. Là. Sinon, moi, j'ai adoré ça, la manière que c'est fait. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Tu vois que le gars, il y a des moyens. Là, c'est fait avec énormément d'humour. Puis, juste la finale me fait me jeter sur le cul un peu. Je suis comme, wow, c'est le fun, la finale, mais je veux rien dire non plus. Puis, j'ai vraiment trippé sur ce documentaire-là. C'est, comme je dis, c'est à la fois... divertissant et éducatif, puis je le montrerai à tout le monde, je le passerai dans les écoles. Sur le site internet de That Sugar Film, tu as aussi des recettes, le gars il a écrit un livre aussi en parallèle qui accompagne son film, puis c'est ça, sur le site tu as des recettes, t'as des trucs pour justement pour les professeurs s'ils veulent présenter le film à l'école, puis il y a des kits qu'ils peuvent donner à leurs enfants, en tout cas à leurs étudiants, des trucs comme ça, plein d'informations. Non, c'est vraiment, c'est comme je dis, c'est très sérieux dans ces informations, puis c'est très divertissant. Ma blonde est historienne, puis elle est historienne de la nutrition, puis elle trouvait juste plate qu'il n'y ait pas assez... qui n'est pas mis assez... Dans son film, il ne parle pas de l'histoire du sucre, comment c'est arrivé dans nos sociétés, tout ça, comment le sucre ajouté s'est installé, puis on a de plus en plus dans à peu près tout. Mais je pense que dans son livre, il doit sûrement en parler. Sinon, ben, si c'est ça la seule lacune, c'est pas bien, bien grave, parce que je trouve que le film marche quand même, puis il fait son effet. Puis moi, j'avais déjà changé mon alimentation depuis quelques années, mais je trouve que ça m'a appris quand même des trucs, beaucoup de trucs, puis je pense que pour n'importe qui, ça peut être très utile. Fait que moi, je le recommande fortement, ce film-là. That Sugar Film sur iTunes, puis bientôt peut-être sur Netflix ou ailleurs, c'est très recommandé. Cool, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que je suis quelqu'un qui m'en cache pas, qui mange beaucoup de trucs sucrés, je bois beaucoup de liqueurs, puis par moments j'essaie de faire attention, puis de lâcher prise, puis de manger plus santé, puis ça marche, ben ça marche. Je vais passer 3 semaines, admettons, à manger que des fruits, boire plus d'eau, puis ces choses-là, puis je reprends mes vieilles manies, puis je rajoute des chips, puis de la liqueur. Il faut pas tout arrêter d'un coup, c'est progressif. Ouais, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Surtout quand c'est le soir, c'est le temps d'écouter un film, on dirait que j'ai besoin de grignoter puis d'avoir un breuvage, sinon je me sens pas bien. Puis pourtant, je serais capable de juste manger des graines de tournesol comme toi, puis ça me dérangerait pas, là, ça remplacerait facilement les chips. Mais... Ben, c'est pour ça que je fais ça. Faudrait que j'essaie de prendre... Je prends plus de chips, mais... Puis sûrement, tu vas apprendre dans le film que le gras des noix, parce que les noix, c'est très gras, c'est moins nocif que le sucre. Le sucre va se transformer en gras, mais c'est un gras plus nocif dans le corps. Okay. Tandis que le gras naturel des noix est moins pire. Mais en tout cas. Au moins quand j'achète du chocolat, j'essaie de manger du chocolat noir. Ouais. La plupart du temps, j'essaie de lâcher les caramels et ces choses-là. Mais je suis pas. Ça me dérange moins. Mon père m'a déjà habitué au chocolat noir. Ça a tout le temps été son chocolat favori. Fait que très jeune, j'ai commencé à en manger. Ah, puis quand au début, c'est ça, c'est pas évident, mais quand tu pognes le goût à un moment donné, tu reviens quelques temps après, mettons quelques années plus tard à du chocolat au lait, chocolat, tu sais, comme tu dis, caramel, tout ça, tu fais OK, non, c'est vraiment trop sucré quand t'es habitué. Quand t'es habitué au goût sucré, tu ne le remarques pas, mais un coup, t'as passé un mois, mettons, à manger du chocolat noir. T'es comme ah non, c'est dégueulasse, là, je vois la différence. Là. Mais c'est pas facile, tu sais, je sais très bien que c'est pas facile, je suis mieux placé pour le savoir aussi parce que j'étais extrêmement extravagant dans mon alimentation à l'époque, là, puis ça paraît pas là, pour ceux qui m'ont jamais connu avant, mais non, c'était... C'est parce que on prend ces mauvaises manies-là, surtout dans l'adolescence, puis je pense à partir de là qu'il faudrait déjà qu'on arrive à faire plus attention, parce que par la suite, on dirait qu'on garde nos manies d'adolescence, puis le temps avance tellement vite, tu sais, gars, je suis déjà rendu à 28 ans, puis des fois, je mange, puis j'agis comme si j'avais encore 16 ans, mais je devrais faire attention, là, parce que je fais le moins bien qu'avant. Tu sais, dans mon temps, je sais pas si c'était encore ça, tu avais des cours d'économie familiale au secondaire, puis tu apprenais à faire de la bouffe, puis tu apprenais ça au secondaire. Puis si tu apprends l'alimentation, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est à un âge où tu n'as pas le contrôle là-dessus à la maison. C'est tes parents qui décident de ça. Mm-hmm. Les cours d'alimentation devraient être au cégep. Je pense que c'est la meilleure période pour qu'un jeune apprenne à se nourrir parce que souvent, tu es soit en appartement ou là, tu as plus de contrôle. Puis au lieu de te faire des ramen, au lieu de te faire des... Il va pas congeler. Du craft dinner, des trucs comme ça, ben tu sais, là, tu apprendrais à te faire de la bouffe, tu sais. Ça prendrait plus de cours sur l'alimentation, les calories, le gras, le sucre, tout ça. C'est plus de notions de ça. Parce que même si tu apprends ça quand tu es jeune, on a eu des cours quand j'étais jeune au primaire, tu apprenais les quatre groupes alimentaires, tu as bien toutes ces affaires-là, mais tu n'as pas le contrôle là-dessus quand tu as 10 ans ou quand tu as 12 ans, 13, 14 ans. T'sais. À la maison, c'est pas toi qui fais l'épicerie. Là. Mais quand tu commences à faire ton épicerie, si tu n'as pas vraiment le contrôle là-dessus, tu arrives à un âge que tu commences à faire ton épicerie au début de la fin de l'adolescence, peut-être début vingtaine. Là, tu fais hey my God, je peux m'acheter tout ce que je veux. Puis là, tu t'achètes des boîtes de biscuits, tu achètes des chips, des n'importe quelle sorte de cochonnerie. Puis moi, j'abusais au bout. Là. Mais surtout que les parents doivent montrer l'exemple. T'sais, je veux dire, Chantal, elle écoutait un documentaire sur Netflix, tu avais écouté aussi par rapport à des jeunes qui sont obèses puis qui essayaient de maigrir. Puis, t'en avais un là-dedans que le père mettait de la pression sur le jeune. C'est comme, non, tu devrais pas manger de chips, de liqueur, rien de tout ça. Mais oui, le père le faisait constamment devant lui, dans sa face. Tu sais, à un moment donné, l'enfant, il avait dit, OK, moi, j'ai pas le droit, mais pourquoi toi, tu le fais? Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, les parents ont une grande importance là-dedans. Là. C'est pas juste une question de dire, non, t'as pas le droit de manger ça. Ben, tout à fait. En tant qu'enfant, tu vas imiter ce que tes parents font, là. C'est comme si ma copine, elle essaie de faire attention puis faire plus d'exercices puis de manger moins de cochonneries. Si je voulais manger un sac de chips en pleine face, c'est pas vraiment cool. Fait que, non. Logiquement, je suis mieux d'essayer de faire attention en même temps qu'elle. Puis je pense que c'est plus motivant. Tu fais ça à deux. Tu essaies de faire ça avec ta copine, un ami, peu importe, puis de faire plus attention à ton alimentation. Non, ça, j'avoue là, que d'avoir ma blonde qui le fait aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est une personne qui aime bien manger puis bien cuisiner. Fait que ça a beaucoup aidé, là. À me faire découvrir aussi des affaires que je connaissais pas, puis au lieu de me faire des hot dogs ou des trucs trop faciles, ben. Mais c'est parce qu'il y en a qui pensent que manger santé puis de la bonne nourriture, c'est compliqué et long à faire, alors qu'on est paresseux puis qu'on a envie de manger quelque chose que c'est comme OK, ça prend une minute puis c'est prêt, mais quand tu te renseignes, tu checkes comme il faut, c'est pas si long que ça, se faire un bon repas. Tu sais, juste te faire une bonne salade que tu rajoutes toutes sortes de légumes, de noix, de trucs dedans, ça prend 5 minutes à faire, puis je veux dire, c'est bon, là. Moi, j'adore ça, la salade. C'est aussi de trouver les alternatives à ce que tu manges pour que ça te nourrisse ou que ça te remplisse autant. T'sais, moi, j'avais tendance, quand je mangeais mal à déjeuner, quand je déjeunais, je prenais 3-4 toasts avec plein de Nutella dessus. Ouais. Le Nutella, ça ne nourrit pas pantoute, c'est juste du sucre. C'est super nocif. T'sais, ma blonde a dit, ça te prendrait des... elle m'avait dit ça à l'époque, ça te prendrait des protéines le matin. Surtout que je prenais mes toasts au Nutella. Puis, tu sais, une heure ou deux après, j'avais encore faim, là, tu sais, j'allais travailler, puis j'avais encore faim. Fait que, tu sais, elle me dit, ça te prendrait, soit des œufs ou que sur tes toasts, tu mets de la viande, tu mets des cretons, mettons, ou des trucs comme ça. Tu sais, ouais. Je mets souvent du pâté de foie sur mes toasts, puis c'est beaucoup plus consistant, c'est des protéines, puis c'est comme Après ça, t'as pas faim pendant un bout. Là, tu fais juste manger du sucre. C'est comme prendre des crêpes avec plein de sucre aussi. Tu vois, des fois, quand tu vas au restaurant, tu prends une crêpe avec plein de sucre, plein de fruits, toutes sortes d'affaires. Une heure après, tu vas encore faim. Là. Ouais. C'est comme quand tu as soif puis tu vas boire un grand verre de liqueur. Tu vas tout le temps en reboire puisque tu vas avoir pareil soif. Là, ça change rien, le sucre. Ben non. Ça donne juste envie d'en avoir d'autres. D'avoir plus. Ouais, c'est ça. C'est un cercle vicieux. C'est un peu comme le sel aussi. T'sais. Fait qu'on est très éducatif aujourd'hui. On parle du contrôle des guns puis on parle de nutrition. Moi, je vais y aller avec un petit rapide. La saison 5 de Walking Dead est sortie ce mardi. Et moi, j'avais adoré les deux premières saisons. Puis pour je ne sais quelle raison, j'ai pas continué. Puis là, j'étais full en retard. Fait que là, j'ai été m'acheter la saison 3 pour la continuer. Et j'avais très hâte de retrouver les personnages puis de revenir dans l'aventure. J'ai écouté juste 3 épisodes à la date. Mais mon Dieu que ça m'avait manqué. Puis je suis déjà revenu assez rapidement dedans. Et moi, j'adore cette série-là. Je l'aime beaucoup. Puis je sais que c'est loin de faire l'unanimité auprès de tout le monde, parce qu'il y en a pas mal qui, soit que le monde déteste, soit que le monde adore. Puis il y en a qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de zombies pour une série qui s'appelle The Walking Dead, puis qui s'était trop concentré sur les relations, puis qu'il y avait beaucoup de blabla. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime le plus là-dedans. J'ai pas envie de voir une série qu'à chaque épisode, c'est juste de l'action non-stop, du gore, puis des zombies qui se font massacrer. La série se concentre sur les personnages, leur évolution du groupe, puis leur psychologie. Puis c'est ça que je trouve intéressant, parce que tu t'en crisses pas des personnages, tu as envie d'être avec eux, puis c'est le fun de les voir évoluer. Puis les zombies, bien, c'est juste secondaire. Ils sont juste là pour les faire avancer sur leur chemin, puis c'est tout. C'est pas forcément là pour une autre raison. T'sais, même dans la saison 2, le vrai méchant, c'était même pas les zombies, c'était un autre personnage de la série, puis c'était plus lui qui m'effrayait que les zombies en tant que tels. Fait que moi, ça ne m'a jamais dérangé pour ça. Puis je trouve que c'est la force qui fait de Walking Dead. Sauf que la saison 3 commence de manière assez drastique. Je ne sais pas si les créateurs avaient écouté un peu les autres fans qui chialaient, parce que les deux premiers épisodes, je pense qu'ils tuent plus de zombies que les deux premières saisons collées ensemble. C'est vraiment un massacre. Puis il y a beaucoup d'action, beaucoup de rythme. Ça ne me déplaît pas. Ça fait juste partie de la saison 3 en force. Mais encore là, ils ne laissent pas les personnages de côté, puis on continue de poursuivre dans leur évolution, puis j'adore les personnages. Puis là, il y en a un nouveau qui est rajouté qui s'appelle le gouverneur. Je n'avais beaucoup entendu parler. Je ne le connais pas personnellement parce que je ne me suis pas rendu assez loin dans les comics, mais j'attendais dire que c'était un personnage vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de voir aussi que ça va amener. Je suis rendu à l'épisode 3, puis je viens juste de le découvrir. Tu vois que c'est un gars qui apporte... T'sais, au début, il a l'air une personne de confiance puis gentil qui va apporter des choses, mais il y a quelque chose de louche en même temps, fait que je suis vraiment intrigué de voir ça, où ça va aller. Mais j'aime beaucoup la saison 3 pour le moment, avec les 3 premiers épisodes. J'aime ça que ça se passe dans une prison, une espèce de huis clos. J'ai l'impression que ça va vraiment tourner mal, que leur nouvelle maison sécuritaire qui est la prison va plus devenir justement une prison, puis ça va refléter un peu sur leur morale, puis ça va un peu... se désintégrer, puis on dirait que le groupe finit tout le temps par perdre de plus en plus des membres, puis non, c'est vraiment une série, je trouve, qui est de très grande qualité, puis j'ai bien hâte de voir aussi que ça va mener, moi je suis vraiment dedans, puis j'adore ça. Toi, t'avais-tu commencé cette série-là, tu l'avais-tu déjà? Ben, j'avais écouté jusqu'au milieu de la deuxième saison, pas longtemps après qu'il retrouve la petite fille, puis mais j'ai arrêté, je m'étais tanné. Ouais. Ouais, ben peut-être qu'un jour je vais recommencer. Mais en même temps, tu sais, comme je pense que c'était avec toi, j'en parlais l'autre fois, que je sais déjà à peu près qui est mort dans la série. On parlait justement des spoilers l'autre fois sur Facebook. Puis, Ouais, ben c'est ça. J'avais liké la page de Walking Dead. Puis quand il y a un personnage dans la série qui mourait, il mettait une photo puis il écrivait RIP. Puis là, j'étais comme. Là, il y a au moins 3 personnages d'avance que je sais qui meurent. Ben, c'est ça, moi personnellement, aussi. Ça me fait vraiment chier. Mais ça ne m'empêche pas le fait que j'ai envie de continuer la série parce que je l'aime, mais c'est con. Puis j'étais aussi un gros fan de Frank Darabont, puis ça m'avait fait chier qu'il se fasse mettre à la porte de la série. Puis, ouais, j'avais trouvé ça dommage aussi. Je ne m'étais pas vraiment remis de ça dans le je sentais que c'était quasiment une trahison envers Frank Darabont de continuer d'écouter la série. Fait que... Mais de ce que j'avais vu sur IMDb, il a l'air d'avoir écrit encore des scénarios pour la saison 3. par contre? Bah, peut-être qu'ils ont utilisé des scénarios qu'ils avaient déjà écrits parce que je pense qu'ils travaillent encore pour eux autres. Là. Je pense que ça le ferait chier. Là. Mais non, c'est, ben, peut-être qu'un jour. Ben, est-ce que tu es intéressé par le prequel qui vient de commencer, là, Fear the Walking Dead? Ben, j'ai trouvé le trailer correct. J'étais comme, je vais peut-être tenter le coup, mais pour le moment, je vais me concentrer sur Walking Dead, terminer ça. Puis un coup, je vais avoir rattrapé mon retard. Je vais peut-être tenter le coup avec le spin-off. Au départ, je me disais, c'est-tu un spin-off pour vaguer ce succès et essayer de faire plus d'argent encore? Ou c'est vraiment qu'il y a une idée derrière ça et qu'ils veulent apporter de quoi d'intéressant? Mais les gens ont l'air de trouver ça intéressant. Ça a eu des bonnes critiques, je pense. Ouais, ben c'est ça. Ça a beaucoup marché. Ça a été l'épisode sur la télé câblée le plus populaire de tous les temps. Là, j'ai deux amis, collègues de travail qui sont des gros fans de Walking Dead qui ont écouté le spin-off et disaient que c'était vraiment bon. Fait que je vais sûrement l'écouter dès que je vais avoir terminé la série. OK. Ben, parlant de séries qui se passent en prison, moi, j'ai terminé hier la troisième saison de Orange is the New Black. Je sais que ta blonde n'a pas aimé la troisième saison. D'ailleurs, moi, c'est ça. Moi, j'en avais souvent déjà parlé. Les quatre ou cinq premiers épisodes, moi et ma blonde, on n'était plus dedans pantoute. La troisième saison, là, ça a commencé comme une grosse déception. Surtout que la première, c'était de la bombe. La première, c'était du réalisme, c'était le fun, c'était de découvrir l'univers en prison des femmes. La deuxième, c'était quasiment un cartoon, mais super, super noir, super sombre, parce qu'il y avait des guerres de clans dans la prison, puis ça a vraiment pris une tournure très, très, très, très sombre. Puis la troisième, ça commence super léger, en comédie, puis il n'y a comme plus d'enjeu. Il n'y a comme plus rien de fil conducteur, puis on suit tout le monde en même temps, puis c'est comme on ne sait plus trop où donner de la tête. Puis à partir du cinquième ou du sixième épisode, là, j'ai raccroché. Je ne pourrais pas dire vraiment qu'il y a un événement spécifique qui a fait que j'ai raccroché, mais je me suis mis tranquillement à raccrocher puis à m'intéresser à ce qui se passait. Puis ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de l'actrice Laurie Petty. Elle avait déjà participé à la série dans la deuxième saison brièvement, mais là, son personnage revient dans la troisième saison de manière plus régulière. Puis là, ça m'a vraiment fait rembarquer. Puis il y a d'autres affaires qui m'ont fait rembarquer. Puis là, tout à coup, je me suis mis à avoir du fun. Puis sixième, septième, huitième épisode, là, j'étais vraiment dedans, là. Jusqu'à la toute fin, jusqu'à hier, on a terminé la saison, puis je dirais pas que c'est une finale extraordinaire. La finale de la première était meilleure, puis la finale de la deuxième était vraiment extraordinaire. Mais ça reste que j'ai trouvé ça le fun jusqu'à la fin. Et puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, comme je dis, il n'y a pas de gros enjeux par rapport aux autres. C'est dur à résumer la troisième saison, parce que c'est plein de petites histoires, fait qu'il n'y a pas de gros fil conducteur. Puis on ne suit plus autant le personnage principal qu'on suivait au début, qui était Piper Chapman. Elle devient un personnage aussi important que les autres. Tout le monde devient égal, dans le fond, dans la troisième saison. Il n'y a plus de personnage principal. Fait que c'est ça que tu ne sais plus vraiment à qui te raccrocher, parce que tout le monde est égal. Mais je trouve qu'il y a plusieurs histoires intéressantes. Puis c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'écriture, ou si c'est juste ma perception à moi qui a changé, mais à partir du milieu de la saison, ou après le premier tiers, mettons, ça devient meilleur, puis j'ai vraiment eu du fun jusqu'à la fin. Puis là, ben, j'ai hâte à la quatrième. Là. Je pensais même pas, au début de la troisième saison, quand j'ai commencé, je me disais, oh, je pense que ça va être la dernière saison que je vais écouter, parce que j'ai plus de fun pantoute, tandis que là, j'ai hâte à la quatrième. Fait que... Faut continuer. Si vous avez juste commencé, faut continuer, parce que je pense que ça vaut la peine, celle-là. Mais c'est plate quand ça fait ça, hein, quand tu dois te taper 4-5 épisodes de mauvaise qualité pour finalement avoir quelque chose qui a de la lueur. Je me rappelle, je pense que c'était la dernière ou l'avant-dernière saison de Game of Thrones. Je me rappelle, je voyais juste les commentaires du monde qui étaient comme « Ouais, la date, ça décolle pas, c'est long, je trippe pas, c'est décevant. » Puis là, les trois derniers épisodes de Game of Thrones, tout le monde était comme « Ok, finalement, ça a tout rattrapé, la saison est écœurante. » Je suis comme « C'est plate. » J'aime ça, moi, quand une saison est intéressante puis bonne du début jusqu'à la fin. J'ai pas envie de me taper 4-5 épisodes de bof pour... avoir enfin des épisodes qui ont de l'allure après. Là, je trouve ça dommage. Et en même temps, ben, je suis d'accord, mais en même temps, il faut que tu fasses confiance aux auteurs, des fois, qui ont une idée derrière la tête, puis que ça va prendre du temps à placer les éléments. T'sais. Je parle pas que c'est nécessairement ça le cas dans Orange is the New Black, mais ou dans Game of Thrones, mais tu prends le cas, mettons, de Penny Dreadful, que j'ai écouté dernièrement au printemps, je pense, la saison 2, puis que j'ai trouvé super longue, mais à la fin, j'étais vraiment dedans. La première moitié, je l'ai trouvé pénible, puis la deuxième moitié était extraordinaire. Tu sais. Ça m'a pris du temps. Il fallait quand même placer les éléments, puis c'est, il fallait que ça se fasse. Il fallait qu'il fasse ça de même. Puis il y a aussi le cas de Kaamelott, que, comme j'en parlais au début de l'année, tu sais, j'ai réécouté les 6 saisons complets. Mais la 6e, je ne l'avais jamais fini. À l'époque qui avait été diffusée, j'avais écouté 3 ou 4 épisodes, puis j'avais trouvé ça plate à mort, le prequel qui se passe à Rome, puis c'était super sérieux. Puis j'avais vraiment pas eu envie de finir, puis ça m'a pris 5 ou 6 ans là, jusqu'à cette année pour décider de le réécouter. Puis là, j'ai eu du fun comme ça se peut pas à le réécouter, là, parce que je savais à quoi m'attendre, puis je savais que ça serait plus long un peu, plus lent, mais je m'en foutais parce que j'avais tellement du fun. Puis là, je voyais l'humour que j'avais pas vu avant dans les épisodes, puis... Souvent, c'est les attentes, hein? C'est ça qui vient détruire un peu. Une fois que tu sais à quoi t'attendre après ça, tu fais OK. C'est... Puis c'est pas, je pense que ça m'a aidé aussi que ta blonde me dise, elle a fini, je sais qu'elle a fini Orange is the New Black, puis la 3e saison, puis elle a dit, ah non, c'est aussi mauvais que le début de la saison, la fin est aussi mauvaise que le début. Fait que dans ma tête, je ne m'attendais plus à rien. Là, je pense que quand elle m'a dit ça, je te rendu au 4e ou 5e épisode, ça a peut-être contribuer au fait qu'il y a un switch dans ma tête que ça a fait, okay. Je m'attends plus à rien. Là. Fait que, là, en m'attendant plus à rien, j'ai eu du fun. Je l'ai jamais essayé, cette série-là. Je n'ai entendu tellement parler. Là, mais ben, essaye la première saison. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Il y en a bien qui faisaient des comparaisons avec la série québécoise Unité 9. À cause que ça se passe en prison, mais je pense c'est la seule comparaison que tu peux faire, je pense. Ah, OK. C'est humoristique, c'est le fun. Là. C'est vraiment le fun. Il y a des personnages tellement trippants là-dedans. Là. Je vais peut-être l'essayer à un moment donné, mais tu sais comment j'ai une série. Je vais commencer par Penny Dreadful là, en premier. D'accord. Là, tu vas commencer Walking Dead. Fait que... Ouais, non, mais c'est ça. Ben, je risque de la finir assez rapidement. Tu sais, j'ai déjà... En 2 jours, je pense que je vais au moins écouter la moitié de la saison. Je vais essayer de les écouter rapidement pendant qu'ils sont en vente en spécial WatchMV. Okay. T'as-tu vu les images pour la nouvelle saison d'American Horror Story Hotel avec Lady Gaga? Puis il y a eu un petit teaser, je crois. Tout ça. Non. Ça m'intrigue, puis ça m'intéresse, mais en même temps, j'ai écouté aucune autre saison à part la première. Fait que je sais que c'est pas important de les écouter dans l'ordre parce que ça suit pas, mais j'ai envie pareil de les écouter dans l'ordre. Mais en même temps, la nouvelle saison, qui est la 5e, dans le fond, elle va être. Je pense que ce serait important parce que je sais qu'ils ramènent des personnages des autres saisons. Okay. Je sais qu'ils ont commencé à le faire dans la 4e. Parce qu'ils ont. Fait qu'ils essaient de relier ça, finalement. Oui. Parce que le personnage de. Emma Roberts, qui jouait à Madison dans la saison 3, qui était la petite bitch, en tout cas, tu l'as pas vu, mais c'est une sorcière bitch. Je sais qu'elle revient dans la saison. Là. Ils viennent de l'annoncer hier ou avant-hier. Là. OK. Fait que, non, je ne suis pas vraiment ça. J'essaie de ne pas avoir d'image, mais je vois les annonces des fois des acteurs et tout. Pis... C'est parce que j'ai pas écouté la 4e parce que je m'y intéressais plus. Puis déjà, le milieu des freaks m'intéressait moins. Puis... J'étais un peu tanné là, de la gimmick de Jessica Lange qui joue tout le temps le même genre de personnage, puis ça me tapait ses nerfs, fait que j'ai pas écouté la 4e, puis j'étais pas vraiment intéressé par la 5e, mais là, s'ils commencent à ramener des personnages, puis surtout Emma Roberts, moi, je l'aime dans tout, fait que j'ai hâte de voir la nouvelle série Scream Queens là, qui commence. Oui, j'ai hâte de l'essayer, moi aussi. Puis, ça va être fun. Puis dans le fond, Scream Queens me fait beaucoup penser justement à la saison 3 d'American Horror Story. On dirait que c'est la même, pas la même gang, mais on dirait quasiment, tu sais, c'est la même chose sans le côté sorcière. Tu sais. OK. Non. Sinon, moi, j'ai écouté Long Weekend, le film original, pas le remake fait avec Jim Caviezel. Un gros classique des années 70, c'est un film australien. Le scénario est écrit par le gars qui a écrit le scénario de Razorback, qui est un autre film australien que j'adore, que c'est un de mes films d'attaque animale favoris. Fait que j'avais très hâte de voir Long Weekend. Ça me faisait chier d'avoir vu le remake avant, mais j'avais un peu de la misère à me procurer l'original. Et d'un point de vue, les deux films se ressemblent beaucoup. Sont quand même, le remake est quand même pas désastreux, il est quand même correct, mais il y a un petit plus dans l'original qu'il n'y a pas dans le remake, puis qui fait qu'il est facilement meilleur. On va suivre un couple, j'ai oublié leur nom, fait que c'est pas plus grave, mais on va suivre un couple qui a des grosses tensions. Leur mariage est sur le bord de briser. Fait que comme dernière tentative de sauver leur mariage, le mari va vouloir amener sa femme dans une petite virée dans la nature, puis aller faire du camping proche d'une place qu'il connaît, qu'il a entendu parler, qui est sur le bord de la plage, puis un petit boisé, puis avec les animaux, puis tout ça. Mais tu sais, la fille, elle va accepter, mais le couple sont vraiment rendus à un point qui on dirait qu'ils se détestent. Là. Au début, le gars, il fait des efforts, mais la femme, hein, pourquoi tu vas aller dans la nature? Puis elle veut vraiment rien savoir. Puis il parle de temps qu'un air bite. Fait déjà là, ça donne le ton. Puis on a de la misère un peu à essayer de voir pourquoi le gars voudrait essayer de sauver le mariage quand c'est rendu à ce point-là. Puis le film, ça va vraiment être l'homme contre la nature parce que tout le long du voyage, les deux personnages, mais surtout le gars, vont faire des ajustements qui vont nuire à la terre, à la nature. Ils vont tuer des animaux par accident. Sur la route, il va écraser un bébé kangourou par accident. Il va jeter des canettes n'importe où. L'endroit où ils vont aller camper, il va couper un arbre pour sans aucune raison. Tu sais, il demande pourquoi tu coupes l'arbre. Il dit, bon, c'est dans notre chemin. J'ai envie de nous faire un peu plus de place pour installer la tente. Fait que je vais couper l'arbre. Puis il fait juste des ajustements comme ça. Puis peu à peu, tu as une ambiance par rapport à quelque chose d'étrange qui va commencer à s'installer. Le réalisateur a vraiment un don pour rendre la nature et les animaux menaçants. C'est sa manière de réaliser, d'utiliser les angles. Il y a vraiment une atmosphère étrange qui va s'installer. Puis au fur et à mesure, le couple vont se faire attaquer par des insectes, par des animaux. Dis même, ça a l'air stupide, mais c'est pas des attaques vraiment comme dans un gros film d'horreur. T'sais, c'est comme les fourmis vont juste se retrouver dans leur bac à glacière en train de bouffer leur bouffe, ou la nuit, ils vont se faire achaler par des animaux. Le jour, le gars va se faire attaquer pour sans aucune raison par un aigle, puis l'attaque est super réussie. Il n'y a pratiquement pas de trucage. La plupart, c'est des vrais plans d'animaux. Fait que c'est quand même très, très réussi de ce point de vue-là, mais c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Puis plus le fait qu'il y ait des tensions entre le couple, ça va juste alourdir tout ça, puis le film va vraiment devenir une espèce de mode de survie pour le couple, pour leur relation, mais aussi pour leur vie par rapport à la nature. Puis j'ai trouvé un film vraiment un véritable petit chef-d'œuvre, en même temps d'être intelligent puis d'avoir une bonne critique par rapport à l'être humain, puis de ses agissements envers la nature, les animaux, puis la terre, comment on est con, puis qu'on est en train de tout tuer, puis que ça va peut-être juste nous péter en pleine face un jour, parce que Mère Nature, on n'a aucune contrôle là-dessus, puis veut pas la planète, ça appartient à eux bien avant nous. Fait que c'est un film que je recommande beaucoup, j'adore les deux acteurs, il y a vraiment une bonne performance. C'est ça, à part de ça, je veux pas trop en dire plus, mais c'est vraiment un excellent duel qu'on a entre l'humain et la nature, puis c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent comme sujet, je trouve, dans les films. Fait que c'est un très bon classique que je l'ai eu grâce au Blu-ray de Synapse durant la vente de Fantasia. Je l'ai eu pour 14$, puis le Blu-ray est incroyable. Le film a vraiment un coup de jeunesse avec ça. On dirait que pratiquement ça a été tourné aujourd'hui. Mais si jamais vous n'avez pas la chance de voir l'original ou vous n'avez pas les moyens d'acheter le film, bien, vous pouvez avoir le remake souvent des bacs au Vidéotron pour 4$. C'est pas de la même qualité, mais comme je dis, le remake est assez similaire, puis de est quand même de bonne facture. Fait que je crois que vous pouvez, pareil, y trouver votre compte pour avoir une idée de qu'est-ce que le film original a de l'air. Puis le scénario du remake est écrit par le gars qui a fait le scénario original. Fait que, tu sais, on peut facilement avoir les... Pardon? En anglais, le titre? C'est ça, c'est Long Weekend. Ah, OK. Fait que... Ah, mais intéressant. Je connaissais pas du tout. Ouais, très bon film. Plus je fouille le cinéma australien des années 70-80, plus je me rends compte qu'il y a des petits bijoux que j'avais jamais vus. Puis il n'y a pas juste Mad Max. C'est tout le temps Mad Max qui revient comme film populaire dans l'Australie. Mais quand on fouille, il y a vraiment des petites merveilles puis qui devraient être plus mis de l'avant. Je trouve ça dommage, mais je pense qu'il y a quand même une bonne réputation, là, celui-là. Ben, ça me fait penser quand tu parlais tout à l'heure de Joel Egerton dans The Gift. J'ai vu une entrevue avec lui cet été puis à TV. Puis il parlait que lui et son frère, ils jouent puis ils écrivent des films depuis un bout de temps. Là, puis ils sont connus dans leur coin de pays. Je pense que sont quelle nationalité, eux autres sont. Sont pas néo-zélandais ou quelque chose comme ça. Puis ils sont connus dans leur coin de pays, mais aux États-Unis, personne ne sait encore vraiment c'est qui, à part Joel Egerton, qui ont vu dans quelques films. Mais sinon, mais tu sais, c'est de. C'est pas la première fois qu'il travaille. T'sais, son frère réalise des films. C'est pas la première fois qu'il travaille derrière la caméra, soit en tant que scénariste, soit en tant que d'autres choses. Fait que c'est ça, on n'a pas tout le temps. C'est ça. Il y a tellement de films à découvrir, tellement de films d'un peu partout à découvrir qu'on n'a pas nécessairement accès facilement ici. Non, des fois, ça prend juste une nouvelle édition pour pour faire la découverte. Puis c'est pour ça que je disais que je suis pas totalement contre les remakes des fois qui sont pas forcément utiles, parce que ça permet de ressortir les originaux qui sont des fois discontinués ou qui sont pas trouvables. Puis là, on a des nouvelles éditions. Puis j'imagine que pour Synapse, ils l'ont sorti à peu près dans le temps qu'il y avait eu le remake. Fait que, tu sais, c'est une bonne chose. OK, ben je vais parler de deux petits films rapidement que j'ai vus, qui sont tous les deux passés au réseau Lifetime. Le premier, c'est un biopic pour les gens de mon âge qui ont écouté dans les années 90 la série Full House, qui était une sitcom. Moi, j'ai vu les 8 saisons. J'ai le coffret ici en forme de maison que j'ai recommencé à écouter dernièrement, justement, la série Full House. Parce que l'année prochaine, ils font un sequel là, sur Netflix qui s'appelle Fuller House. Puis c'est ça, en tout cas. Fait que samedi dernier, à Lifetime, ils ont passé le film The Unauthorized Full House Story. Puis c'est avec personne de connu, là. C'est tous des acteurs qui font les acteurs originaux. Puis ça raconte l'histoire, en gros, de comment ça s'est passé, la création de la série, le tournage et ce qui est venu par après. Puis c'est comme on s'y attendait, parce que depuis des mois, il avait commencé à sortir des photos du cast et tout ça, puis personne ressemble vraiment aux vrais acteurs, puis tout le monde porte des mauvaises perruques, puis des mauvais costumes, puis c'est juste cheap. T'sais, pendant 1h20, pendant 1h30, tu regardes ça, puis tu dis « Christ, que c'est mauvais, là, tu tapes la tête dans les murs, tu dis « Christ, que c'est mauvais ». Puis il n'y a rien que j'ai appris là-dedans, il n'y a rien que tu peux pas lire sur la page Wikipédia de Full House, puis... c'est juste pathétique, là. Moi, ça m'a juste fait rire, dans le fond. Tu sais, je regardais ça qu'un sourire, parce que c'est de la grosse incompétence, là, pendant 1h30, puis c'est de la grosse marde. Ça vaut vraiment pas la peine d'être vu. C'est dommage, parce qu'il y a des jeunes actrices, acteurs là-dedans, tu sais, les petites filles là-dedans, tu sais, c'est pas leur faute, là. Leur rôle leur a été offert, ils ont probablement auditionné pour ça, puis ils ont eu le rôle, puis ils étaient bien contents de pouvoir passer à la TV, mais... C'est un projet de marde, là, tu sais, fait que... Ouais. En tout cas, on va passer vite là-dessus. Sinon, ben, on a bientôt Sylvain Desmentis du 7e Desmentis qui va faire une série d'épisodes sur les films du réseau Lifetime qui sont passés dans la dernière année, qui ouais. Inspirés d'une série de romans populaires des années 70-80. Le premier étant Flowers in the Attic de V.C. Andrews, je pense, l'auteur. Puis, là, tu parles de l'autre version, parce qu'il y en a une des années 80 que moi, je possède. Oui, mais en tout cas, là, je parlais du roman. Là. Le roman, c'était en 79. Okay. Puis il y a une version des années 80 avec Louise Fletcher, je pense que c'est en 89, que je n'ai pas vu. Puis ben, moi, j'ai vu la version 2014 avec Ellen Burstyn puis Heather Graham. Puis c'est cette version-là. Qui? Heather Graham a fait encore des trucs. Oui, puis elle est toujours aussi jolie qu'avant. Mais, oui, c'est vrai. Elle ne vieillit pas, mais c'est ça, tu sais. Il y a eu ce premier film-là en 2014, puis ils ont fait les 4 romans de la série, en tout cas 4 des romans de la série, parce que je pense qu'il y en a plus encore dans la série. Puis ils ont fait 4 films, dans le fond, à Lifetime, en 2014 puis 2015. Puis Heather Graham joue dans 3 ou 4 des films. Là. J'ai juste vu le premier jusqu'à date. Sylvain, lui, est supposé parler des 4 dans sa série de films bientôt. Sur la chaîne YouTube du 7e Desmentis, on fait une petite pub ici, mais on aime bien Sylvain. Fait que j'ai regardé le premier film, j'étais juste curieux, puis... Puis j'aime les actrices d'avance qui sont là-dedans. Puis aussi là-dedans, en plus de Ellen Burstyn puis de Heather Graham, il y a aussi la jeune actrice, pour ceux qui ont suivi Mad Men, celle qui faisait la fille de Don Draper, Sally Draper, jouée par Kiernan Shipka. Elle joue là-dedans dans Flowers in the Attic. C'est elle, dans le fond, qui est quasiment le rôle principal. Elle joue le rôle d'une adolescente qui, avec son frère, puis dans le fond, son grand frère et ses deux petits frères et sœurs sont les 4 enfants. Donc, ils sont emprisonnés dans un grenier par leur grand-mère, tandis que leur mère... c'est compliqué comme histoire. Ça ne me tente vraiment pas de résumer. c'est niaiseux. Dans le fond, le père vient de mourir. La mère a dit « Hey, vous ne saviez pas, mais j'ai une grand-mère. J'ai une mère, moi, c'est votre grand-mère, vous ne la connaissez pas. Fait qu'on va aller tous vivre chez elle parce que j'ai plus d'argent pour maintenir la maison et tout. Fait qu'on va aller tous vivre chez elle. » Puis ma mère est riche. Fait que là, ils vont chez la grand-mère qui est jouée par Ellen Burstyn. Puis, ben, il ne faut pas que personne dans la maison, les serviteurs, quiconque, sache que les enfants existent. Fait qu'on fout les enfants dans le grenier, on les enferme là. Puis la mère a dit, faites-vous-en pas, ça va durer quelques jours, au pire une semaine. Puis faut que je me reconnecte avec mon père, mais il ne sait pas encore que j'ai des enfants, puis tout, mais là, il faut que j'y dise que tranquillement, là, progressivement, que faut que je me reconnecte avec lui parce qu'on est en chicane, puis après ça, je vais lui dire que j'ai des enfants, puis je vais vous sortir de là dans une semaine à peu près, pas plus que ça. Puis finalement, ça dure des années, là, puis on se rend compte que la mère est une estime de folle, là, mais bon. Je spoil ah ouais, bon, c'est comme ça, hein? Je spoil un peu, puis... Puis dans tout ça aussi, il y a une histoire d'inceste, là, puis j'insisterai pas là-dessus, mais comment voir trois bonnes actrices comme Ellen Burstyn, Heather Graham, puis la jeune Kiernan Shipka devenir hyper mauvaise actrice là, c'est, dans un film, c'est du Lifetime. Le Lifetime, c'est un réseau de marde, puis c'est des films de marde, puis c'est... Moi, je vais résumer ça, Sylvain va mettre ça super, super beau, puis drôle, puis fun, mais moi, je vais résumer ça en... dans quelques mois, en disant que c'est de la grosse marde. Puis... puis, non, tu sais, c'est ça, les actrices sont mauvaises, surtout Heather Graham, tu sais, qui joue comme... je sais pas comment, là, tu sais, comme une actrice de soap de l'après-midi, puis encore pire même, là, tu sais, c'est... Comme Place Melrose? Comme Place Melrose, tu sais, je sais pas, c'est hyper dramatique. Puis, elle fait des... Ah, je sais pas trop comment dire, mais c'est surjoué. Dans le fond, t'as l'impression de voir une version sérieuse du Cœur à ses raisons qui était déjà une parodie de ça. Ouais, plus ou moins, mais... Puis tu sais, en même temps, j'ai fini le film, puis je me dis, ah ben, je serais curieux de voir la suite. Je suis curieux de voir les suites, parce que je veux voir où ça s'en va, puis même si c'est super cheesy, puis... Puis il y a plein d'inconsistances, il y a plein de trucs que tu questionnes tout le long du film, tu questionnes les agissements des personnages, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ci, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça, pourquoi est-ce que... Il y a plein de choses qui ne marchent pas, puis en même temps, ben j'ai quand même envie de voir la suite, fait que c'est pas tout mauvais, mais c'est... Faut vraiment pas être exigeant là, quand on regarde ce film-là, parce que c'est très incompétent, puis il y a pas grand-chose, là, il y a rien de beau, c'est pas visuellement... alléchant nécessairement, tu sais, c'est pas... De toute façon, quand Sylvain dit qu'il tripe ce film-là, puis qu'il va faire le film en question dans son show, puis un épisode, faut qu'on s'entende que ça soit le même genre de « j'adore ce film-là, Nurse 3D ». Tu sais, ça va être le même genre de qualité, fait que j'imagine qu'il aime tellement ça parce que c'est du « so bad, it's good », I guess. Tu sais, je critique le jeu des actrices, puis lui... j'en ai parlé brièvement sur Facebook, puis il m'a dit qu'ils ont aimé pour de vraies actrices là-dedans. Ah, OK. Mais non, c'est ça. Tu vois le personnage du grand frère qui a les beaux cheveux placés, tout ça se passe dans les années 50, puis il a les cheveux. Puis il garde ses cheveux parfaits pendant 2 ans, puis ils sont 4 enfants dans le grenier, puis c'est qui a coupé ses cheveux, on ne le sait pas. C'est... qui a maintenu sa coiffure, on ne le sait pas. T'sais. Il devrait avoir les cheveux longs après le temps qu'ils ont passé là. Mais. Puis. J'étais déçu de voir la petite fille de Mad Men que j'ai vu grandir dans Mad Men pendant 7 ans, puis qui est super bonne actrice, qui a joué super bien son rôle dans Mad Men, tandis que là, elle fait une genre de version poche du rôle qu'elle faisait dans Mad Men, la petite fille un peu chialeuse, adolescente. Là, puis, je sais pas, puis, c'est juste dommage qu'elle joue dans un. Que tout de suite après Mad Men, en tout cas durant la dernière saison de Mad Men, elle fasse ça, tu sais, puis. C'est un film de merde là. Puis, j'espère qu'elle sera pas. Que sa carrière va pas en souffrir parce que ça serait vraiment dommage. Elle avait vraiment plus de talent que ça. Puis, Ellen Burstyn était super bonne dans Requiem for a Dream. Puis là-dedans, elle est haïssable, oui. Là, puis elle joue bien. Elle joue correctement son rôle, mais c'est tellement un film. Anyway, là, je sais plus quoi dire. Fait que c'est ça. c'est Flowers in the Attic. T'sais. Si vous avez aimé le roman, peut-être vous allez aimer ça, mais moi, je vous le conseille pas vraiment. Là, ça, le gars qui dit ça, qui veut voir pareil la suite. Ben, je sais pas, je suis conflictué là-dedans. Là, c'est comme... Puis des fois, tu sais. Bon, je vais faire une petite critique. C'est pas contre Sylvain, mais des fois, quand je regarde les vidéos à Sylvain, j'ai de la misère un peu à suivre le scénario des films. J'ai de la misère à comprendre un peu les histoires. C'est pas vraiment de sa faute à lui, mais des fois, il va parler de personnages que je suis comme, de qui il parle, là? Je comprends pas. Puis là, je me suis dit, je vais regarder les films avant de voir son vidéo, comme ça, je vais savoir de quoi, c'est quoi l'histoire, parce que des fois, ça arrive pas toujours, mais des fois, j'ai de la misère à suivre, fait que je m'intéresse plus à son humour, puis aux jokes qui vont ressortir, que j'arrive pas à suivre l'histoire des films. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai voulu voir celui-là avant. Puis c'est ça, je vais peut-être voir les 3 autres, juste pour pour comprendre les insides ou peu importe les jokes que Sylvain va faire sortir dans ses vidéos. Là, fait que c'était surtout ça mon intérêt. Puis de voir la jeune de Mad Men, mais elle n'est pas dans les suites. Fait que... Oh, tu viens de perdre un gros intérêt. Là. Ouais. Mais Heather Graham est là. Fait que... Mais Heather Graham est tellement bonne dans tout. Elle est bonne. Je ne vais pas te spoiler, mais dans Twin Peaks aussi. Puis elle est bonne dans tout. Là, mais dans ça, elle... non. Il y a des projets, tu ne peux pas faire grand-chose. Hein. Quand c'est destiné à être pas bon, tu vas être pas bon, même si tu as du talent. Ça, elle commence dans Twin Peaks, ça... puis là, elle est rendue là 25 ans plus tard. C'est comme, ah, c'est que tu fais. Elle va-tu être présente dans la nouvelle saison de Twin Peaks? Si je te le dis, ça va te spoiler ce qui se passe dans ça. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ça, c'est une autre série que je continue en même temps. Là. C'est comme mélangé. Moi, j'ai écouté la meilleure comédie d'horreur de l'année et un des meilleurs films de l'année. What We Do in the Shadow. C'est pas un fan footage. Il y en a qui vont penser que c'en est un juste parce que c'est filmé avec des caméras de personnes qui filment, mais c'est plus un. J'oublie l'expression, comment on dit ça. Là. Pas un faux documentaire, mais un mockumentary. Ouais, mockumentary. C'est plus dans ce genre-là. Puis j'étais vraiment plus l'impression d'assister à ça qu'un véritable fan footage. Là. Puis c'est pas du monde qui court avec une caméra, puis ces choses-là. Puis on va voir quelqu'un qui. Des rapporteurs qui vont faire un documentaire sur le quotidien et la vie de quatre vampires qui vivent ensemble dans une grande maison, puis voir un peu leur quotidien de vie, qu'est-ce qu'ils font, en dehors d'attaquer des victimes, puis de boire du sang, tu sais, qu'est-ce que ça fait un vampire à part de ça dans leur vie quotidienne. Puis, ce film-là possède tous les éléments pour te dire, ouais, finalement, c'est pas si cool que ça, être un vampire. C'est tellement drôle. C'est vraiment des vampires qui sont là depuis tellement longtemps, puis qui n'ont pas vraiment évolué en même temps que le monde moderne. Fait que pour eux, exemple, qu'est-ce qui est à la mode? C'est encore leurs vieux vêtements qui datent des années 1800. Puis ils disent, bon, là, on se met sur notre 36, on va aller dans une discothèque, aller chercher du monde. Puis, tu sais, c'est une discothèque qui est vraiment faite pour les vampires. Puis la manière que c'est fait, c'est comme si c'était cohabitant. Je suis pas trop certain. J'ai été perdu sur ce coup-là pendant le film. C'est peut-être moi qui n'étais juste pas suffisamment conscient. Mais en tout cas, ils sont dans leur espèce de discothèque. Là, tu dis, ouais, ça va être cool. Et arrive là, ça a l'air d'une vieille place de paumée. Il y a peut-être juste 4-5 personnes qui sont là, qui font dur. Puis c'est vraiment, ça donne pas envie d'aller là, pas en tout. Puis, c'est tellement drôle. Puis, Les quatre vampires sont tellement le fun à suivre. Puis t'en as un qui s'appelle Peter. Puis ce vampire-là, c'est vraiment comme Nosferatu. Il a la même apparence. Puis il dit pas un mot de tout le film. Puis ce vampire-là est tellement vieux qu'il a de la misère un peu à comprendre et à suivre la modernité. Fait qu'il est tout le temps en train de faire des ajustements qui ne fitent pas trop. C'est drôle. Des fois, t'es voué leur quotidien, ils font juste faire le ménage de la maison, ils passent la balayeuse en volant, puis t'as des conversations tellement drôles, j'ai pas envie de juste les dire, parce que dit de même, ça va juste être poche, mais les discussions entre eux sont tellement drôles, puis c'est vraiment le fun, ce film-là, c'est tellement bien écrit, c'est par les mêmes créateurs qui ont fait, moi je connaissais pas ça, mais Chantal, elle aimait beaucoup, Flight of the Conchords, okay, ouais. Les créateurs de tout ça. Puis, il avait parti ce film-là avec un Kickstarter. Je ne sais pas si c'était les 5 premières minutes qu'ils avaient tourné, mais en tout cas, ça a eu un gros succès. Puis, ils ont eu le financement en masse pour faire le film. Puis, vraiment, là, c'est super drôle. Puis, t'as des scènes aussi par rapport... Ils rajoutent d'autres mythologies. C'est pas juste les vampires. À un moment donné, ils font juste une marche dans le parc. Puis, ils vont tomber sur une gang de loups-garous. Puis là, ils vont juste commencer à s'insulter puis à se traiter de noms, toutes sortes de trucs. Ou à un moment donné, tu vas avoir une bataille entre deux des vampires, puis ils vont se transformer en chauve-souris, puis là, t'en as un qui va crier « Bite fight! Bite fight! » Puis là, t'es comme... c'est vraiment drôle, puis c'est vraiment intelligent, c'est bien écrit, puis j'aime ça comment ils s'amusent à prendre un mythe que la classe, normalement, tu sais, c'est le genre de vampire que tu vois dans Dracula, t'es comme « Oh, c'est un Dracula, c'est quelqu'un qui est romantique, qui a des bonnes manières, mais qu'aujourd'hui, dans un monde moderne, ça marcherait pas, puis ça serait juste ridicule, puis... » La plupart du temps, ils ont juste l'air ridicules, mais ils sont tellement attachants. Ils ont toutes des personnalités bien différentes. Puis c'est vraiment une comédie formidable. Je le recommande fortement pour les amateurs de vampires. Si vous avez envie de voir quelque chose, une petite bouffée d'air frais dans le genre, celui-là, il a réussi vraiment haut la main. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas ri. Mais tu sais, vraiment rire. Là, à chaque coup, là, j'avais des éclats de rire. Puis c'est pas juste un petit sourire. Puis c'est vraiment une comédie savoureuse. Je l'avais terminé. Puis 5 minutes après, j'étais déjà prêt à la réécouter, là, tellement que j'ai aimé ça. Là. Cool. Là, je l'ai beaucoup entendu parler, ça m'intéresse beaucoup. Ah, c'est vraiment le fun. Y est-tu Netflix? Je pense pas. Hein? Peut-être le US. Ah, peut-être, ok. Ça se peut fort bien que ça. Sinon, il est sur iTunes ou sur. Il est quand même assez facile à louer. Même moi, j'ai réussi à l'acheter au club Vidéotron. Ok. Même dans les clubs vidéo, il est supposé être facilement accessible, le film. Ok. Moi, j'ai vu. J'ai écouté un podcast récemment, le podcast de Nerdist. Il faisait une entrevue avec Léa Thompson. Ça fait quelques temps déjà. Puis. J'ai découvert premièrement dans ce podcast-là une Léa Thompson que je ne connaissais pas en dehors des films, puis je la trouvais vraiment si qu'elle est fun, elle est drôle, elle est vive, là, elle est très consciente des mauvais films puis des bons films qu'elle a fait, puis super, super le fun à écouter parler. Puis en parlant avec l'intervieweur qui s'appelle Chris Hardwick, qui est un comédien, à un moment donné, il parlait de ses vieux films des années 80 à elle, puis. Chris Hardwick lui dit que lui, il trippe sur le film Some Kind of Wonderful, puis il disait c'est vraiment un de mes films préférés des années 80 dans lequel tu as joué, puis tout. Puis il dit I fucking love this movie. Fait que là, je vais tenter voir. Fait que là, j'ai mis la main dessus, puis c'est ça, c'est Some Kind of Wonderful, 1987. Ça m'en avait d'être Eric Stoltz, Léa Thompson, puis Mary Stuart Masterson. En français, ça s'appelait Cœur et Trio, je pense. Puis c'est juste l'histoire d'un gars, d'un étudiant, Eric Stoltz, qui dans le fond, est un peu marginal. Sa meilleure amie, c'est Mary Stuart Masterson, qui a les cheveux courts, quasiment l'air d'une lesbienne. Elle se fait traiter de lesbienne par tout le monde. Puis lui, dans le fond, il trippe sur le dessin, sur l'art. Puis son père voudrait qu'il aille dans un collège pour étudier en business, tout comme ça. Puis Eric Stoltz, dans le fond, il est amoureux de Léa Thompson, qui est comme la fille la plus populaire de l'école, là, puis qu'il est amoureux secrètement d'elle. Puis c'est ça, il va essayer de trouver le moyen à un moment donné de la demander, demander qu'elle sorte avec lui, tout ça. Puis, dans le fond, c'est super simple comme film. C'est vraiment juste ça l'histoire. C'est le gars qui est amoureux de la fille, puis là, ils vont finir par un moment donné avoir une date, ça. Puis on se rend compte que Mary Stuart Masterson, la meilleure amie d'Eric Stoltz, est amoureuse de lui. Je pense qu'elle ne savait pas vraiment au début, mais elle s'en rend compte tout au long parce qu'elle est super jalouse de Léa Thompson. Puis t'as aussi là-dedans, dans le portrait, t'as le chum de Léa Thompson qui est un esti de marron, un douchebag. Là, il est joué par Craig Sheffer qui était dans le film Nightbreed de Clive Barker. Mmh, ouais. C'est ça. T'as Elias Koteas aussi qui joue un punk là-dedans, qui est super le fun, un de mes personnages préférés du film. C'est probablement mon personnage préféré, mais je pense que j'aime beaucoup Mary Stuart Masterson, son personnage aussi. Fait que c'est mes deux personnages préférés. Puis c'est ça. C'est écrit par John Hughes, c'est son genre de dialogue. Là. C'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est le même réalisateur que Pretty in Pink qui s'appelle Howard Deutsch. Puis c'est ça, c'est un film correct qui m'a pas... Autant marqué pas, le gars. Non, pas tant que ça. Je dirais pas que I fucking love this movie. À la fin, j'étais juste OK. T'sais, c'était rien de plus que ça. C'est juste l'histoire d'un triangle amoureux, puis il y en a une qui est jalouse, puis tu t'attends un peu à... Tu t'y attends comment ça va finir, t'sais, puis c'est super basic. Mais c'est cute, c'est bien joué. T'sais. Puis c'est le fun de voir Eric Stoltz puis Léa Thompson parce que 2 ans plus tôt, dans Back to the Future, au départ, c'était supposé être eux autres. C'était supposé qu'Eric Stoltz qui devait jouer Back to the Future. Puis je pense qu'il y avait. Ça faisait déjà quelques semaines qu'il tournait quand ils l'ont remplacé pour Michael J. Fox. Il y a plusieurs scènes effacées, je pense, qui existent avec Eric Stoltz. Là, fait que c'est juste intéressant de voir en 87, de voir qu'est-ce que. De t'imaginer que ça aurait pu être ces deux-là dans Back to the Future. T'sais. Puis. Juste, dans le fond, c'est pas un film qui m'a super marqué, mais c'est correct. Je le recommande quand même. Là. C'est pas. C'est une bonne comédie romantique des années 80. OK. Mm. Il y en a un que je voulais parler, mais finalement, j'ai décidé de le garder puisque je me suis dit que peut-être qu'à un moment donné, on va faire un épisode dessus. Fait que j'ai comme pas envie de spoiler mon opinion dessus. Sinon, les autres, c'est comme des trucs que j'ai pas forcément envie. Il y en a un que j'aurais peut-être parlé, j'ai écouté le documentaire sur Netflix parce que ça fait un bout, fait que c'est vague. Bird of the Living Dead. Mm-hmm. Au départ, ça m'intéressait pas parce que je suis comme, on a tellement tout entendu parler par rapport à ce film-là puis de George Romero que je me dis, tu sais, ça va être du ramanchi de qu'est-ce que j'ai déjà entendu. Mais tu sais, je l'ai mis un soir parce que j'avais rien à écouter puis je me dis, ça va passer le temps. Puis j'ai trouvé intéressant, j'ai aimé comment c'était fait parce que en même temps qu'il monte des interviews avec Romero puis d'autres réalisateurs puis de l'influence puis comment ça a débuté, comment il a réussi à faire Night of the Living Dead puis tous les autres petits projets qu'il y avait avant ce film-là, c'est construit un peu comme une genre de bande dessinée. Il y a comme des dessins interactifs qui nous montrent des choses. Puis je trouvais que ça rajoutait du rythme puis que c'était un documentaire vraiment fun puis que il y a des trucs que j'ai appris là-dedans que je savais peut-être pas forcément par rapport au tournage de Night of the Living Dead, puis des trucs que Romero aimait pas de son film. Puis je trouvais ça drôle. À un moment donné, il y a une réaction, il montrait un plan d'une scène où il y a un zombie qui met sa main par la fenêtre puis qui est bloqué. Puis là, tu as un des personnages dans la maison qui va donner un coup de marteau puis la main va comme se déchiter. Mais tu sais, c'est un vieil effet des années 60. T'sais, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi, mais Romero, il était crampé, il était comme... C'est tellement fake puis un effet de marde. Je déteste cette scène-là. Il dit c'est tellement raté. Mais tu sais, en même temps, je suis comme. Il est là à cracher sur cette scène-là puis cet effet-là. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il pense de ces derniers films de zombies, les effets CGI par moment qu'il y a, genre surtout Surviving of the Dead, que c'est comme. Le film contient parmi les pires CGI, même si j'ai pas détesté le film, mais c'est vraiment désastreux. Puis je suis comme. Y a-tu cette réaction-là aussi pour ce film-là? Parce qu'il me semble que ça paraît autant fake et raté. Je trouvais ça drôle. Mais sinon, comme je dis, c'est assez vague. Je peux pas vraiment dire grand-chose sur ce documentaire-là. Que, par contre, j'ai quand même apprécié. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puisqu'il se concentre beaucoup sur tout le chemin qu'il a dû faire avant de faire Night of the Living Dead. Puis la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'était parce que les films d'horreur avaient la cote à cette époque-là. Puis il s'est dit qu'il allait faire ça pour essayer de décoller. Puisqu'il y avait de la misère. Il avait écrit des scénarios pour d'autres films. Puis les studios refusaient, puis vraiment, c'est un peu plus. Puis j'avais l'impression que Romero, il n'aurait pas eu la carrière qu'il aurait eu aujourd'hui, puis que ça a vraiment juste été un coup de chance, puis Ben a donné qu'il ait fait Night of the Living Dead, qui a apporté beaucoup au bout du compte. Puis non, c'est vraiment un documentaire intéressant. Il est sur Netflix, puis ça dure comme 1h14. Ça passe vite, c'est le fun. Puis c'est pas forcément juste des trucs qu'on connaît déjà. Il y a quand même d'autres choses que j'ai appris, que j'ai trouvé intéressant. Fait que je le recommande pareil pour les fans... du maître ou du papa des zombies. Alors, ça m'intéressait. Il est dans ma liste sur Netflix depuis longtemps. Là, puis, ah, moi, avec, il traînait. Puis des fois, je me dis, ah, je vais juste mettre de même un truc de fond. Puis là, je me suis dit, ah, je vais le mettre parce que sinon, il va rester là encore pendant trop longtemps. Là. Ou jusqu'au temps qu'il disparaisse sur plus Netflix. Puis, Mais je sais pas si c'est vrai ça. Ils disent qu'en temps normal, ils essaient de garder les films 6 mois, puis après ça, ils les enlèvent. Mais il y a des trucs que j'ai dans mon Netflix, ça fait bien plus que 6 mois qu'ils sont là. Non, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est au moins 6 mois. Minimum 6 mois. Okay. Parce que comment est-ce qu'il s'appelait le gars? J'ai oublié son nom, mais c'est le gars qui s'occupe des acquisitions à Netflix, qui est passé au podcast de Pauly Shore, puis il expliquait justement, il dit, on va prendre des films ou des séries si on peut les avoir au moins 6 mois. Parce que ça ne vaut pas la peine de les avoir moins que ça. Parce que si tu les as moins de 6 mois, ben, ça ne laisse pas assez de temps aux gens de savoir que c'est là, de le mettre dans leur liste, liste d'attente ou peu importe, puis de finir par l'écouter un jour. Si tu le laisses juste un mois, c'est pas assez. Fait que ça prend au moins 6 mois. Et ça peut durer, ça peut être là pendant 3 ans, peu importe. Là. Ouais. Moi, j'ai écouté. OK, c'est ça. J'avais posé la question sur la page Facebook du Bras de Fer, pour savoir quels étaient les films préférés des gens, les films de retour à l'école. Puis on a Jean-Philippe qui m'a parlé du film The Sure Thing que j'avais jamais vu. Oui, j'ai décidé de regarder ça. Ça me fait rire parce que sur Facebook, j'ai marqué dans mon Facebook, quand tu peux marquer les films que tu vois, que tu es en train de regarder, le titre en français, c'est... je l'ai retrouvé là. Ah merde, je l'avais il y a 2 secondes. C'est Garçon Choc pour Nana Chic. Oh my god! Mais sur IMDB, la version française, ça me dit que le titre, c'est Conquête de vacances. Ouais, c'est ça qui est écrit sur mon DVD de MGM. OK. Fait que tu l'as déjà vu. Oui, ben j'ai acheté le DVD il y a 2 ans, puis je l'ai vu pour la première fois. C'est avec Chantal, je pense. Puis moi, j'avais bien apprécié. Je trouvais que c'était une chouette comédie romantique. Oui, ben c'est ça. Ben, contrairement à l'autre que j'ai écouté, que je parlais tantôt, Some Kind of Wonderful, celui-là, il m'a vraiment hypnotisé du début jusqu'à la fin. Là. T'as bébé John Cusack là-dedans, là, qui a une face, ouais. Une face de bébé, avec Daphne Zuniga. C'est ça, John Cusack, qui fait le cliché là, du jeune étudiant qui est pas bon à l'école, qui se fout de tout, qui se pense cool, mais qui ne l'est pas vraiment, qui essaie de croiser les filles, mais ça marche pas vraiment. Puis elle, ben, c'est le cliché de la fille studieuse, rigide, qui n'a jamais vécu vraiment, mais qui est super bonne à l'école, tu sais. Puis, ben, ils vont faire le trajet de la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Californie pendant les vacances de Noël, puis ensemble, pour diverses raisons. Puis, ils ont de la misère à s'endurer l'un et l'autre, et éventuellement, on se doute qu'ils vont finir par s'intéresser l'un à l'autre. Et non, c'est fascinant comme film. T'sais, les deux, la chimie là, est là, là dès le départ, puis les deux acteurs principaux sont... C'est magnétique, là, c'est magique la relation entre les deux. J'ai vraiment adoré ça. J'ai pas vu le temps passer. J'ai jamais payé sur pause pour aller à la toilette ou peu importe. D'habitude, je suis tout le temps en train de stopper mes films. C'est un sacrilège. Là, mais je suis tout le temps en train de stopper mes films ou en train de regarder l'heure ou peu importe. Des fois, quand c'est long, puis là, c'est comme non, on va pas en tout. J'étais scotché à l'écran, puis j'ai adoré ça. Tu as aussi un bébé Tim Robbins là-dedans qui est tout jeune. Qui est drôle. Lui puis une autre actrice que je sais pas c'est qui, ils font un couple qui les prennent, ben justement c'est avec eux autres qui partent au début, qui partent en voiture, puis ce couple-là que Tim Robbins forme avec l'autre fille, ils sont tellement tellement de bonne humeur, tellement joviaux, tu sais, que ils disent, les deux autres embarquent dans la voiture, puis là ils disent, est-ce que vous connaissez des chansons de Broadway, on pourrait chanter, puis ils se mettent à chanter une toune de la comédie musicale Hair, puis ils se mettent à chanter une sorte de toune, puis là t'as Daphne Zuniga puis John Cusack en arrière, ils sont comme, en train de, c'est comme, non, ça n'a pas d'allure, là, ça va être pénible, ça. Mm. Et, en tout cas, j'ai vraiment adoré ça, puis toutes les aventures qui nous arrivent, c'est le fun, c'est cute, c'est jamais cliché, même si je trouvais qu'au début, comme je disais, les personnages étaient clichés, finalement, non, ils ont toutes, ils ont des raisons d'être comme ils sont, puis ça fait du sens, puis j'ai vraiment adoré les dialogues, puis c'est vraiment un film très, très le fun. C'est qui a écrit ça? Je connais pas. Steve Bloom. C'est Rob Reiner qui a réalisé. Je pense que, si je me souviens bien, Rob Reiner, c'est lui qui a fait The Princess Bride. Oui, puis qui a fait aussi Quand Harry rencontre Sally. Les films de relations, là, il est vraiment... Il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans. Fait que non, c'est, sérieusement, je connaissais pas. Et je recommande ça à tout le monde, là, pour un film romantique vraiment, vraiment le fun, The Sure Thing, Conquête de vacances, 1985. Génial, j'ai vraiment adoré. Merci Jean-Philippe de la recommandation, j'ai vraiment adoré. Les années 80 est vraiment une très bonne période pour les films romantiques. Il y en a des tonnes qui sont vraiment le fun, attachantes. Ben, on se disait ça l'autre fois dans une conversation pas enregistrée, mais moi j'aime. Ben, oui, je suis super d'accord. Puis en même temps, les années 90, il y en a quelques-uns que moi j'ai aimé, je pourrais en nommer plein, là, c'est quand j'y pense, mais. T'sais, Le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts, j'ai beaucoup aimé ça. Ou bien, comme disait You've Got Mail avec Meg Ryan puis Tom Hanks. Oui, qui est vraiment bon. J'aime beaucoup plus que Sleepless in Seattle. Des films de même. Ouais, Notting Hill, qui était... Julia Roberts en a fait plein, là, des films romantiques là, que j'aimais à l'époque. Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, encore une fois avec Julia Roberts. Mais, Ou Heureux hasard, ou c'est avec John Cusack en anglais, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais il y a. Les années 90, ça? Dans les années 90, me semble. Il me semble que c'est pas 2000, à moins que je me trompe. Là. Mais j'avais bien aimé ça. C'était comme le film romantique à mon père. Lui, tout ce qui a trait au hasard ou le destin, là, surtout ce film-là, là, les deux gangs qui se retrouvent, les petits messages, tout était fait pour qu'ils se retrouvent dans le film. Puis il trippait là-dessus. Puis il ne veut pas, à force qu'il l'écoutait tout le temps, mais je l'écoutais aussi avec lui. Puis j'aimais beaucoup ce film-là. Mais John Cusack est bon dans ce genre de film-là. Oui. L'autre film avec la radio, c'est... High Fidelity? High Fidelity. Non, pas ça. Non, ça, c'est le magazine disque, ça. Ouais, le plus vieux, avec la fameuse scène iconique. Ah oui, non, c'est Anything de Cameron Crowe, ouais. C'est ça, oui, qui est aussi un autre excellent film romantique avec John Cusack. C'est excellent. Ouais. Sinon, il y en a plein, là. Tu sais, des films aussi, des... Non, je sais plus, là. En fait... Ah, c'est quoi le film avec Bill Pullman puis Sandra Bullock, là? Ah, merde, j'ai oublié. Il y en a un qui est dans le coma, un des deux, quelque chose comme ça, qui se réveille, puis il sait plus qui il est, je pense. Puis, While You Were Sleeping, je pense que c'était ça, le titre. Ouais, ça me dit quelque chose. En tout cas, il y en a plein de films romantiques. Avais-tu d'autres choses? Pas vraiment, à part que j'ai réécouté pour le fun Black Sheep. Avec Chris Farley et David Spade, parce que j'ai vu le trailer de I Am Chris Farley. documentaire qui va sans doute être bientôt disponible. Puis ça a l'air vraiment intéressant. Je veux beaucoup le voir. Puis je suis quelqu'un qui a tout le temps été fan de Chris Farley. Quand j'étais jeune, j'écoutais tous ses films. Je l'ai moins connu dans SNL parce que j'écoutais pas vraiment ça jeune. Mais Tommy Boy, qui est mon film favori avec lui, que je trouve que c'est vraiment une comédie super le fun. Puis Black Sheep, c'est comme fausse suite parce que c'est la même équipe avec les mêmes acteurs. Puis David Spade, puis lui, vont faire encore équipe. C'est pas mon préféré, celle-là, mais j'aime ça de revoir de temps en temps parce que Chris Farley, c'est juste une boule d'énergie. Ce gars-là, c'est incroyable comment il est le fun. Il est tout le temps en train de faire des niaiseries physiques à se cogner partout, à tomber. Puis je trouve que c'était vraiment un excellent comédien d'humour que j'avais beaucoup de plaisir à voir. Puis je trouvais ça tellement triste quand il était mort. Ça m'avait fait de quoi dans le temps. Puis ce qui me faisait rire aussi là-dedans, c'est que je regardais Black Sheep, puis là, j'étais comme... C'est drôle, on voit des vieilles blagues. Ben, j'imagine qu'à ce moment-là, elles sont à nouvelles. Mais tu sais, tu vois des blagues et des jokes que David Spade fait là-dedans qu'il va reprendre dans les années 2000 avec d'autres comédies qui vont vraiment tenir le rôle principal, comme Dickie Roberts, Enfant oublié ou je sais plus trop quoi. Tu sais, là-dedans, il faisait souvent des jokes comme « Ah, j'ai une surprise pour toi, je vais t'en donner dans un instant. » Puis il mettait sa main dans une boîte de céréales, puis il sortait un « fuck you ». Mais tu sais, tu regardes Black Sheep, fait la même affaire à Gary Busey qui est sur le bord de le frapper par accident par une voiture, puis il dit « Hey, tu pourrais pas faire attention. » Il dit « Attendez, j'ai un cadeau pour vous, monsieur. » Puis il est comme « Hop! » Puis j'étais comme, dans le film, il y a comme plein de jokes de même qui sont recyclés. Puis je suis comme, tabarouette, les humoristes ont-ils autant plus, les comédiens humoristes, ils ont-ils autant plus d'idées au point de recycler leurs vieilles blagues dans d'autres films, puis à refaire tout à la même affaire. Tu sais, Adam Sandler, il le fait constamment dans sa filmographie, mais là, je pense que sa carrière est de plus en plus morte avec Pixel qui s'est fait ramasser. Mais je trouvais ça drôle. Sinon, c'est ça, j'ai juste hâte de voir ce documentaire sur Chris Farley, je l'aime beaucoup. Pas un gros connaisseur de Chris Farley, je t'avoue qu'à l'époque, avant qu'il meure, là, j'en pensais pas grand-chose. Je trouvais que c'était un peu un genre de John Candy des pauvres ou je sais pas trop quoi, là, mais dans ma tête, c'était... Puis j'avais plus de respect pour John Candy. Je trouvais qu'il était trop cabotin, le Chris Farley, mais je sais pas pourquoi j'y compare. Dans le fond, c'est juste parce que c'est deux gros gars, là, mais superficiel! Chris Farley, j'avais trouvé drôle dans... voyons, Radio Rebelle, Airheads. Oui, que j'ai revu aussi récemment, que j'avais pas vu depuis tellement longtemps, puis maudit que c'est le fun, hein? Il y a tellement du monde là-dedans, tellement des caméos, là. Puis à cette époque-là, ils n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Tu regardes Adam Sandler, puis même Brendan Fraser, je pense qu'il avait même pas fait L'Homme d'Encino encore. Oui, il l'avait déjà fait, oui. Oui, il l'avait déjà fait, OK. Mais en tout cas, il commençait vraiment à être populaire depuis. Puis... Il n'avait pas encore fait George la Jungle, puis pas La Momie encore, fait que... Mon Dieu, George de la Jungle, ça, c'est un que je me demande si je trouvais ça encore le fun de revoir. Je pense que je vais tenter le coup à un moment donné. Mais même Steve Buscemi, t'es pas connu à l'époque. Reservoir Dogs, non? Ouais, mais c'est pas un film populaire. T'sais, moi, j'ai commencé à connaître un peu sa face et son nom dans Armageddon. moi, je te dirais, c'est... surtout dans les films d'Adam Sandler, à chaque fois que tu vois sa face, tu dis « Ah oui, je le reconnais, c'est lui qui joue, qui fait des caméos dans tous ses films. » Moi, je te dirais, c'est plus Air Bagnard avec Nicolas Cage. Je l'ai bien connu là-dedans parce qu'il joue un genre de Hannibal Lecter parce que la manière qu'il arrive, il est tout attaché avec son masque puis tout le monde en parle comme étant le pay tueur. Puis finalement, il enlève son masque puis tu sais, c'est Steve Buscemi. Il est tellement petit, il a l'air inoffensif. T'es comme, quoi, c'est ça l'homme le plus dangereux qui a besoin d'avoir 10 millions de chiens alentour de lui. Puis, je trouvais que c'était un choix tellement drôle. Puis Connor, c'est tellement un de mes plaisirs coupables. Tu sais, c'est pas... C'est du So Bad It's Good. C'est un bon film d'action cheesy qui est vraiment le fun avec plein d'acteurs connus. Puis John Malkovich est tellement le fun là-dedans. Puis il s'amuse. Puis tu sais, même si c'est over the top et qu'il y a des répliques vraiment cheesy là-dedans, là, tout le monde s'amuse. Puis c'est vraiment un film d'action. J'ai du plaisir à revoir. Là. C'est le fun. Ouais, je me rappelle. Même Armageddon. Tu sais, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-Michael Bay. Moi, je l'avoue. Armageddon, je trouve ça le fun. T'sais, oui, c'est fun. Oui, c'est cave, puis c'est pas. C'est complètement impossible, tout ce qui arrive là-dedans au niveau scénaristique, mais on s'en fout, c'est du divertissement, puis il y a tellement d'acteurs, tout le monde s'amuse encore une fois, puis moi je trouve ça vraiment le fun comme film, j'ai beaucoup de plaisir à le voir. Là. Ouais, moi, quand je le voyais à l'époque, quand ça sortit, je l'ai vu deux ou trois fois au cinéma le film, je l'avoue. Là. En magasin, j'ai vraiment trouvé ça le fun, puis je le voyais pas comme un film de Michael Bay, je savais m'en colissais de savoir c'était qui Michael Bay, c'était un de ses premiers films, puis. c'était un film de Bruce Willis. Là. Moi, c'était pour le fun de voir Bruce Willis sauver la planète. Là, puis c'était juste trippant avec le monde sortait pas autant après Michael Bay dans le temps. Là. Ça a vraiment débuté après avec les Transformers, ces choses-là. Là, le monde sont vraiment commencé à devenir des gens. Déjà à partir de Pearl Harbor. Oui, Pearl Harbor, oui, surtout, ouais, c'est vrai. Parce que j'avoue, moi, je préférais sa carrière avant. T'sais, oui, il y a tout le temps une manie d'être patriotique puis drapeau américain, sur ça, mais c'était moins un peu. Tu écoutais Bad Boys 1 de Rock, Le Rocher, avec Nicolas Cage puis Sean Connery, qui, moi, je l'avoue, c'est un de mes films d'action favoris. Je trouve que c'est vraiment un bon film d'action. Tu sais, il faisait vraiment des bons films d'action dans le temps. Puis c'est juste, comme tu disais, à partir de Pearl Harbor, ces choses-là qui commençaient à faire des trucs qui puaient justement le trop pro américain. Puis. Mais tu sais, je trouve qu'il était revenu quand même sur le droit chemin avec Pain and Gain, puis je trouvais ça avec, c'était un excellent film. Puis je le déteste pas, moi, Michael Bay. Tu sais, j'étais curé de ses Transformers, puis j'aime vraiment pas ça. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui est quand même capable de faire des films qui sont de bons divertissements, puis des fois même à nous surprendre un peu plus, comme je disais, avec Pain and Gain. Je fais pas partie des gens qui sont prêts à crier Michael Bay à chaque fois. Là. Ouais. Sinon, moi, je pense que j'ai pas mal tout dit. J'écoute beaucoup de télé, c'est pour ça aussi. J'écoute, tu sais, je continue les X-Files. Je suis en retard un peu, ouais. Passe, mais je continue. Si je regarde ce que j'ai écouté, ben, j'ai écouté des trucs pour le fun que je veux pas nécessairement rentrer là-dedans parce que la plupart des gens les ont vus. Tu sais, comme la fin de semaine qu'on a fêté le 46e de Woodstock, c'est-à-dire aux alentours du 16, 17, 18, 18 août. J'ai réécouté le film de Woodstock qui dure quasiment 4 heures. Je l'ai écouté en 3 soirs, là, tu sais, je pense. Mais, c'est drôle, moi, à ce moment-là, j'ai réécouté La tête dans les nuages. Attends, c'est tout ça, le titre? Days and Confused. Ouais, avec un jeune Matthew McConaughey qui est tellement bon là-dedans. C'est, cet acteur-là, il a tout le temps été bon. Je pense que c'est juste que ça a donné mal les rôles qu'il prenait ensuite, qui est devenu le gars typique de films romantiques, là, mais tu la regardes là-dedans, c'est qui est drôle, puis il y a tout le temps des répliques. Là. Mais la même année, Ben Affleck aussi là-dedans. C'est drôle, la même année, il a fait Texas Chainsaw Massacre, tu sais, le Next Generation. Oh my god, oui, c'est vrai. Ça, je pense, honnêtement, je pense que c'est son pire film que j'ai vu, celle-là. Puis tu avais René Rousseau, pas René Rousseau, mais René Zellweger aussi qui jouait là-dedans. Tu avais plein d'acteurs, puis t'es comme. Non, Woodstock, j'ai écouté ça, c'est un classique. J'ai jamais vu, moi. OK. On l'a déjà vu plusieurs fois. Puis, j'ai entendu parler. Là. Puis ben c'est ça. Pas longtemps après, j'ai réécouté le film de Monterey Pop 1977. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un festival qui a eu lieu en San Francisco en juin 1977. Puis ça précède Woodstock de 2 ans. Puis le film, ben c'est ça, ça dure 1h30, puis ça raconte un peu cet événement-là qui a duré, je pense, une ou deux journées. Puis tu as plusieurs personnes là-dedans, dont Jimi Hendrix aussi, tu as Mama Zone de Papa, Otis Redding, The Who, puis tout ça. Puis c'est super bon. Je trouve que ce film-là est encore meilleur que Woodstock, dans le sens que les chansons sont mieux choisies. C'est vraiment comme un best-of de ces artistes-là. C'est comme pour chaque artiste, ils ont choisi la meilleure tune ou la meilleure performance. Tandis que dans Woodstock, tu as beaucoup, beaucoup de bouts, parce que tu t'emmerdes musicalement. Là. Il y a des très, très bonnes performances, mais il y en a que c'est long. Puis, mais Woodstock, ce qui est intéressant pendant tout le film, c'est surtout les bouts entre les chansons. C'est tout voir le déroulement de la fin de semaine, puis tout ce qui est arrivé, les problèmes, puis ci, puis ça, puis c'est super le fun. C'est réalisé par qui déjà? Le film de Woodstock? Ouais. Michael Wadley, que je connais pas. Je pense que pourquoi, on dirait que j'avais Oliver Stone dans la tête. Je suis vraiment qu'il est trop jeune, je pense, à ce moment-là. C'est ça, je me dis. Mais parmi les monteurs, parce qu'il y a quasiment une dizaine de monteurs pour ce film-là, tu as Martin Scorsese. Ah, pour vrai? Oui, c'était au début, il n'y avait pas encore réalisé de film. Puis, c'est ça. Puis, Monterey Pop, ben moi, ça, c'est un autre film de l'époque que j'aime beaucoup. Puis, là, j'avais dans la tête de regarder Taking Woodstock de Ang Lee, que j'ai jamais vu, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui. Éventuellement, peut-être au prochain Time Out, je l'aurai vu. Puis il y a aussi, ça m'intéresse un peu moins, mais je suis quand même curieux de le voir, c'est Frissons des collines. Ma blonde, elle l'a vu, puis elle n'avait pas trippé, mais c'est un autre film qui se passe à l'époque de Woodstock, là, qui a rapport un peu au festival, fait que je suis curieux de le voir. Là, mais avec Guillaume Lemaitre-Vierge, je ne suis jamais vraiment certain. Là, mais... Ah, ok, moi je viens de replacer le film. J'étais pas sûr de quoi tu parlais au départ, mais là, quand t'as dit Guillaume de Métis-Pierre, Ouais, c'est un film, c'est ça. Ça n'a pas l'air... en tout cas, la bande-annonce ne m'avait pas forcément donné envie là, à l'époque. Là, mais... Juste le titre, Frissons des collines. C'est affreux. Mais c'est ça. Fait que, sinon, ben, je continue X-Files. J'ai recommencé Full House. J'étais en train de finir là, ma sorcière bien-aimée. Ça fait un an que je l'écoute. Je suis dans la 8e saison, puis c'est la pire jusqu'à date. C'est fort, ça a vraiment détérioré. Les premières saisons sont vraiment le fun, jusqu'à 5 ou 6. Les 5 premières saisons, on va dire, là, c'est safe de dire. Les 5 premières saisons, c'est très très bon, mais 6, 7, 8, ça dégringole. Là. Puis la 8e, il se force même plus. Là. Son mari, il se change d'acteur aussi, hein, à partir, ouais, à partir de la 6e. OK. Dans les 3 dernières saisons, c'est un autre. Mais ça, c'est pas ça. Lui, il est correct, il fait une très bonne job. Puis après le choc initial, c'est correct. Tu passes le premier choc, puis c'est correct. T'sais. Mais c'est elle, premièrement, j'ai lu sa biographie, Elizabeth Montgomery, puis ça ne tentait plus à la fin. Fait que dans la saison 7, saison 8, elle ne fait même plus d'efforts. Là, ça ne tente plus, surtout la 8e, ça ne tente plus pantoute. Ça se voit dans sa face. Puis tu vois qu'ils font juste recycler des vieux scénarios des autres saisons. Ils les réarrangent, puis c'est ça. Mais c'est les mêmes scénarios. Puis là, je viens de voir un épisode récemment sur le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, puis c'est une farce, le monstre. Là, un enfant du primaire... Dans un enfant du primaire aurait fait ça en bricolage, ça aurait pas été différent. Là, c'est vraiment lettre, le monde, c'est vraiment lettre. Là. Fait que non. À part ça, il y a plein d'autres séries, mais c'est long. J'écoute The Whispers, j'écoute Scream que j'aime beaucoup encore. Je sais pas ce que tu as dans l'enfance. Tout le monde est en train d'écouter Scream, puis. J'ai pas encore eu de commentaire de Sébastien Bouchard qui a commencé, mais je sais pas qu'est-ce qu'il en pense. Là. Mais je sais que Sébastien, en ce moment, est occupé. Sa blonde est enceinte, puis elle est sur le bord d'accoucher si c'est pas déjà fait. Là, fait que... Mais j'ai réécouté pour le fun notre épisode live d'Horror Gamer qu'on avait fait. Il avait duré 5-6 heures. Puis je me rappelais, en tout cas, qu'à ce moment-là, il avait parlé qu'il avait écouté les 3 premières minutes. Il me semble qu'il avait dit qu'il avait écouté les 3 premières minutes et qu'il avait peut-être pas été convaincu, mais qu'après, peut-être, ça pouvait être bon. Fait que je sais pas, as-tu dit qu'il avait écouté finalement les épisodes? Ben, je sais qu'il a commencé, la série récemment. Okay. Il m'a écrit en privé sur Facebook l'autre fois et m'a demandé où est-ce que j'étais rendu. Puis j'ai dit, ah, ben moi, je suis à jour dans la série, puis jusqu'à date, j'aime toujours ça. Puis il m'a pas répondu, il a pas fait d'autres commentaires. Fait qu'il m'a juste demandé où est-ce que j'étais rendu. Peut-être qu'il voulait attendre de voir en voyant plus d'épisodes s'il allait plus apprécier et qu'il aimait peut-être moyennement ça, je sais pas. Parce que je pense que je te l'ai dit à toi, puis je l'ai peut-être dit ici au Time Out à un moment donné, mais ils réussissent vraiment à faire la même chose que dans le premier film, c'est-à-dire de me rendre tout confus à savoir c'est qui le ou les meurtriers, parce que jusqu'à date, j'ai pointé tout le monde du doigt dans la série. Là, au début, je n'étais pas sûr que ça allait faire ça. Mais plus les épisodes avancent, plus je viens mêler à savoir qui peut être le ou les tueurs, parce que tout le monde pourrait être coupable à mes yeux. Là. Mais c'est ça qui est le fun, quand tu t'amuses à questionner tout le monde puis tu deviens confus que dès les premières 10 minutes dans le slasher, tu vas dire « OK, ouais, c'est lui le tueur », puis finalement, à la fin, ben, tu avais deviné. C'est plate quand c'est trop facile. C'est le fun d'essayer de vraiment brouiller les pistes. C'est ça, tu sais. Je sais pas s'il va en avoir... plusieurs des tueurs, comme c'est un spoiler, mais en même temps, ça fait 20 ans que le film est sorti. Ouais, dans Scream, il y en avait deux. Mais ça, c'était la grosse surprise à la fin de Scream. On s'était tout fait avoir. C'était comme bon, on en cherchait juste un, finalement, il y en a deux. Là, je sais pas dans celui-là, mais c'est le fun. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à étirer le format slasher pour que ça marche en série. Là. Mais ça reste super léger. C'est pas une bonne, c'est pas une série comme Hannibal qui va passer à l'histoire, ou c'est pas une série comme une grande, grande série qui va passer à l'histoire là, comme Breaking Bad. Mais c'est un slasher. Ça reste le fun. T'sais, un slasher, c'est quoi dans le fond? C'est du monde qui se font tuer. C'est du monde super, super, très superficiel. La cheerleader, ça va être la fille studieuse, ça va être les jocks, ça va être le nerd. Fait que c'est tout ça. T'as tous les stéréotypes du high school dans cette série-là. Puis tu regardes ça comme un film d'ado de slasher, mais étiré en 10-12 épisodes. Là. Pour ceux qui haïssent tout ce que tu viens de nommer, ben, tu viens de les convaincre de ne pas regarder la série. Exactement. Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Ouais, moi aussi. J'ai toujours aimé les films de slasher, puis j'ai tout le temps trouvé que c'était le mouton noir du cinéma d'horreur, puis à tout le temps se faire bâcher, mais que je trouve que ça vaut mieux que ça. J'aime les films d'école. J'aime les effets qui se passent à l'école. peut-être que en dedans de moi, j'aimerais être encore un étudiant, là, mais j'aimais Buffy parce que j'aimais les premières saisons de Buffy parce que ça se passe à l'école. Tu sais, j'aime ça. Moi, c'est comme les forêts puis les camps de vacances. Les films d'horreur qui se passent dans un camp de vacances ou dans une forêt, moi, je trippe. C'est vraiment ça que j'aime. Fait que les Sleepaway Camp, tu sais, les suites, c'est pas des super bonnes suites, mais c'est le fun, puis j'aime que ça se déroule là. Il n'y a pas tant de films que ça qui se déroulent là, puis c'est ça qui m'avait attiré pour la nouvelle série sur Netflix qui se passait dans un camp de vacances, Wet Hot Summer Vacation. Ouais, Wet Hot Summer, puis tu sais, moi j'adore ça, là. C'est facile, tu sais, c'est les clichés, mais en même temps, moi, c'est il y a des clichés dans l'horreur que j'aime, il y a mes clichés qui sont mes petits dadas que j'affectionne. Puis moi, les au revoir, je trouve ça bien. T'as-tu continué la série finalement? Non, j'ai arrêté. Ouais. T'as-tu écouté le film? Non, pas encore parce que. Honnêtement, tu sais, il y a des trucs que j'aime dans la série, il y a des personnages. Mais l'humour, j'ai vraiment. Finalement, après 5, 6, je pense que je t'ai rendu au 7e épisode. J'ai de la misère avec l'humour. Je me rendais compte que je riais pas tant que ça, puis que il y a bien des trucs que je pigeais plus ou moins. Tu sais, je sais pas si l'humour, on était déjà préparé avec le film, mais ça avait vraiment un style d'humour un peu tellement imprévisible, puis nono un peu que je sais pas. J'avais l'impression que c'était pas ma tasse de thé. Fait que ça reste à voir. Là, est-ce que c'est parce que j'ai pas vu le film, puis que j'apprécie moins les clins d'œil, puis les personnages qui reviennent, ou c'est vraiment juste que l'humour n'est pas fait pour moi dans cette série-là. Ça reste à voir, là, mais ça m'a enlevé le goût de la continuer. Tu sais, comme, à un moment donné, tu as des caméos vraiment intéressants. À un moment donné, tu as Michael Cera qui apparaît comme à 5e épisode puis il joue une espèce d'avocat. Puis il y a deux personnages du camp qui vont le voir pour essayer de l'engager pour qu'il s'attaque à une grosse compagnie parce qu'il jette des produits toxiques proches du camp d'été. Puis là, tu as la grosse scène qui est supposée être là. Je me dis, OK, ouais, ça va être une scène pour incruster le personnage. La scène, elle dure juste comme 2 minutes à peine, puis il fait juste comme dire « D'habitude, je suis un avocat pas mouillé, mais j'accepte le projet, je suis prêt à vous aider. » Puis après ça, on ne le revoit plus. Puis tu sais, je suis comme « OK, il me semble que la série exploite pas des fois le potentiel des acteurs qui sont là. » Tu sais, comme, j'adore le couple de Bradley Cooper, puis je pense que c'est la meilleure chose de la série, c'est Bradley Cooper puis Paul Rudd, qui sont vraiment les deux personnages les plus fun puis les plus drôles. Mais encore là, je trouve qu'ils sont plus ou moins exploités. Il y a tellement de personnages puis de sous-intrigues qu'il y en a qui, honnêtement, je m'en fous, qui servent à rien, qui sont plus ou moins drôles, puis d'autres qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas assez élaborées. Fait que je suis vraiment mitigé avec cette série-là, au bout du compte. Je ne suis pas vraiment convaincu. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que toi, tu vas en penser. Je ne sais pas si tu vas regarder le film avant, j'imagine que oui. Mais tu me redonneras des news. Un coup, tu vas avoir vu le film puis la série, voir qu'est-ce que tu en penses, toi. Oui. Oh, je pense que je vais regarder le film avant. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Oui. Fait qu'on a fait le tour, je pense. Ouais, c'est pas mal terminé. Bon, ben, ce que je voulais, ben, c'est ça. Dans le fond, je vais annoncer le prochain épisode, puis ouais. Je voulais parler un peu des thématiques des autres épisodes sans annoncer les films, là, tu sais, les autres qui s'en viennent. Là, ça marche pour toi? Ouais, c'est parfait, vas-y. Super. Dans le fond, notre prochain épisode, ça va être l'épisode 42, c'est ça? Épisode régulier. Ça va tourner autour du retour à l'école, donc je l'avais annoncé sur la page Facebook. Ce sont mes choix de films. Là, je me fais plaisir. C'est deux films que j'ai déjà vus et que j'ai aimés. Et donc, le premier s'appelle The Wanderers. Wanderers, ouais. En français, ça s'appelle Les Seigneurs. Puis c'est une gang de jeunes dans les années 60. Et c'est réalisé par Philip Kaufman, qui a réalisé L'Invasion des Profanateurs, le remake d'Incendies. Puis ça met en vedette, entre autres, Karen Allen, qui jouait dans Indiana Jones. Fait que vous allez voir, c'est un film intéressant, on va en parler dans le prochain épisode. Et le Navet Nanar, ça c'est un de mes films préférés à vie. Fait que là, depuis le début, je me disais, depuis que qu'on a commencé le podcast, je me disais, je sais pas si j'ai envie de le faire parce que je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de... Je sais qu'est-ce que je pourrais dire de négatif sur le film, mais je sais pas si j'ai envie de le dire. T'es pas obligé. Ben non, mais tu sais, c'est un film avec lequel j'ai grandi, que je porte dans mon cœur. C'est Grease 2. Non pas le Grease 1, mais Grease 2, avec Michelle Pfeiffer. Désolé, je mange en même temps. Michelle Pfeiffer, puis Maxwell Caulfield, puis c'est ça. On va en parler, mais... Moi, je ne l'ai jamais vu, mais moi, j'ai grandi avec Grease 1. Fait que j'ai Grease 1 dans mon cœur, et que j'ai vu des tonnes de fois que je connais les chansons par cœur. Puis j'ai tout le temps été dégoûté de voir Grease 2 parce que la manière que mes parents parlaient puis me projetaient l'image, c'était une suite de merde puis qu'il y avait juste le 1 de bon. Fait que je pense que là, tu me... Ben, je peux pas dire que tu m'as donné envie forcément, mais tu m'as intrigué pour voir ce fameux Grease 2-là que tu m'en parles depuis, je pense, justement, le début du podcast là, puis à quel point c'est un de tes plaisirs puis tes films favoris. Fait que je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça. J'avais pas plus que 5 ans la première fois que je l'ai vu, puis j'ai grandi sérieusement avec ce film-là. Je l'ai vu des milliers de fois probablement, fait que je le connais par cœur. Après ça, mi-septembre, on va avoir un épisode... comment est-ce que je dirais ça? De randonnée qui vire mal. Mais je nomme pas tout de suite les films. Je pense qu'on serait mieux de garder ça. Ouais, c'est correct. Le film, l'épisode Retour à l'école, on va avoir un ou des invités spéciaux. Puis on va avoir aussi un invité spécial pour l'épisode de randonnée qui vire mal. Et après ça, on devrait faire un film sur les naufrages. Croisière en folie. Croisière en folie, d'accord. C'est comme ça que je l'appelais, je trouvais que ça fitait. Donc pour l'instant, je dirais plus croisière extrême. Je trouve que ça croisière fait. Extrême. Ouais. Deux films qui se passent sur un gros bateau de croisière. Fait que c'est pas mal notre planning jusqu'au début octobre. Là. Fait que en plus, peut-être un autre time-out d'ici là. Plein de merveilleux moments qui nous attendent. Ça va être le fun. J'ai vraiment hâte à tout ça. On va annoncer les films en temps et lieu. J'aime mieux les annoncer pas trop d'avance. Là. Ouais, c'est plus le fun. Garder la surprise un peu. Fait que. Désolé, je mange encore. Calme-toi, Maldor. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous regarder si vous le faites en différé, parce que je sais que maintenant, il n'y a personne qui nous regarde en live, mais c'est pas grave. Merci de nous regarder en différé. Merci de nous écouter au podcast. Commentez sur la page Facebook. Et je vais insister aussi pour que si vous êtes abonné par iTunes, que vous allez nous mettre des étoiles ou des commentaires, parce que ça nous fait remonter un peu, ça nous fait... avoir plus de visibilité. Il en parlait récemment dans le podcast All-Star des Mystérieux Étonnants que ça aide beaucoup les podcasts québécois que les gens aillent commenter ou mettre des étoiles sur iTunes, mais surtout commenter parce que ça fait remonter le podcast un peu dans les listes, surtout que le podcast québécois en général n'est pas vu du tout, quasiment pas visible sur le iTunes canadien, puis c'est dur ça sera jamais dans les listes. C'est dur de percer, puis c'est ça. Puis c'est pas notre but nécessairement d'avoir plein de 1 million de spectateurs, là, mais juste pour si vous nous appréciez, puis tout, puis si vous nous aimez, allez vous mettre des petites étoiles ou des commentaires ou quelque chose. Puis c'est ça, venez jaser avec nous autres sur la page Facebook. On mord pas, là, on est bien gentils. Fait que... Cet épisode est commandité par les graines de tournesol. Bon, ben là-dessus, on vous laisse. Fait que merci à toi, Steven. Fait plaisir, c'est toujours un... J'allais dire, fait plaisir, ça a toujours un plaisir, mais je trouve que ça sonne trop écho. Mais ça rime. Ça rime, mais c'est le fun, j'adore ça encore une fois. Puis, Good. C'est ça, j'ai rien à dire. Bon, ben on s'en reparle bientôt pour notre épisode de Retour à l'école. Bye-bye! Adios! History is just a pain. Biology, you're killing.